notre mission de diffusion d'informations et d'opinions politiques. Quelque chose qui a fait bouger beaucoup de choses concernant la ville de Québec dans les dernières semaines, les derniers jours, c'est une lettre de M. Olivier Niquet. En fait, c'est une chronique qu'il a fait sur Choix FM, parce que le 18 janvier dernier, sur le site internet de Canoë, une nouvelle est sortie comme quoi Choix FM voudrait, en fait, Radio X voudrait lancer une franchise sur les ondes montréalaises. Évidemment, ça a fait réagir beaucoup les blogueurs, les chroniqueurs de cette ville. Entre autres, M. Olivier Niquet, qui a répondu, voilà, le 19 janvier. Et ses propos ont fait vraiment réagir énormément, tant ici à Québec qu'à Montréal. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Et entre autres, il y a un chroniqueur, un éditorialiste de Montréal, du Voir Montréal, M. Simon Jaudoin, qui s'est prononcé là-dessus. Alors, M. Jaudoin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, les termes utilisés dans cet éditorial, pour ceux qui suivent un peu là, l'éditorial sur Internet, sur le site du Voir Montréal, ça a eu énormément de réactions et c'est vraiment moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont outrés de ces propos-là et d'autres qui applaudissent. Simon, dans un premier lieu, je vais lire quelques petits extraits de ce qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire le texte d'Olivier Niquet. Vous me permettez de faire ça 2 secondes? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, M. Olivier Niquet, le 19 janvier dernier, écrivait ceci sur son blog. Ce n'est pas un cliché de parler de radio poubelle, parlant de Choix FM. Parce que c'est que sous prétexte de défendre une idéologie, les animateurs de Choix défendent plutôt le droit de dire n'importe quoi pour promouvoir cette idéologie. Ils ne mènent pas le combat qu'ils croient mener, soit celui de la liberté. Leur stratégie démagogique est plutôt au service des codes d'écoute et leur public cible grandissant se sent interpellé par leur discours anti-étatiste. Il est sans doute possible d'être de droite sans tomber dans la rhétorique guerrière et aveugle gauche-droite. Mais ce n'est pas ce que Radio X ou les faits Ce n'est pas ce que fait Radio X où les faits prennent le bord pour servir l'idéologie. Comme disait Jean-François Revel, l'idéologie, c'est ce qu'ils pensent à votre place. Mon cher monsieur Jaudoin, oui. De votre côté, vous avez réagi ça, vous avez appuyé monsieur Niquet dans ses propos en disant à la toute fin que parce que monsieur Jaudoin, pour monsieur Jaudoin par exemple, monsieur Niquet dit que Choix FM et ses auditeurs, en fait, cette radio, c'est une radio de jambon. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer grosso modo en quoi ça vous a fait réagir, en quoi vous êtes d'accord avec tout ça? Il faut voir aussi l'origine de tout ça. Olivier Niquet est quand même le concepteur et il travaille pour le Spornographe à Radio-Canada, l'émission de radio où on se moque un peu des animateurs sportifs, on parle de sport et où il fait un travail, si vous voulez, d'archéologie chaque semaine pour aller creuser, trouver des extraits sur les radios comme Choix FM pour trouver des propos qui peuvent sonner bizarres à nos oreilles et c'était déjà en vogue. Le mot radio jambon pour qualifier toute cette mouvance-là. Donc moi, j'ai utilisé le même mot pour plusieurs fois. Moi, j'ai écrit une lettre ouverte au jambon et c'était donc dans l'optique où j'ai une continuation, si vous voulez, dans la continuité du vocabulaire qui était implanté dans cette tradition-là. Donc, ça a été le mot employé. Et c'est un peu comme une caricature. J'aurais pu dessiner quelqu'un en forme de jambon. Mais là, j'ai préféré utiliser, moi qui dessine très mal, utiliser plutôt la forme d'une lettre ouverte où je dis que c'est vrai. Moi, je crois. Ce qui m'étonne toujours, c'est quand on s'attaque à ce type de propos-là. Les propos qui, à mon sens, ne sont toujours qu'en surface et qui ne sont pas vraiment des débats de politique ou idéologique, qui sont simplement quand je suis d'accord avec Olivier, des prétextes pour dire à peu près n'importe quoi en se drapant d'une position politique qui, selon moi, n'en est pas une. Si c'est ça la droite, c'est assez malheureux pour la droite et je ne le crois pas. Donc, je pense que oui, c'est assez jambon comme attitude. C'est empêcher les gens de réfléchir, c'est s'empêcher soi-même de réfléchir. C'est parler au travers son chapeau de choses qu'on ne traite que superficiellement. Parce qu'en fait, il y a des exemples qui sont donnés dans vos deux articles à vous et celui de M. Niquet. D'ailleurs, on parle entre autres, il y a une guerre, un animateur du matin, en fait, il est parti en guerre contre le transport en commun à Québec, qui lui prône l'utilisation du char et de la voiture comme bon lui semble. Eh bien, M. Niquet en parle ici justement. Il dit, par exemple, lorsque les statistiques ne font pas leur affaire, on parle toujours de ces animateurs-là, ils en font fi. Dans le cas des statistiques d'utilisation de l'autobus à Québec, ils ont récemment estimé que le RTC cachait les insuccès du système d'autobus derrière une moyenne qui inclut les heures de pointe. Oui, oui, c'était très drôle d'ailleurs. Entre les deux heures de pointe, c'est un peu tranquille, ça se campe-t-on sur ces ondes-là. Oui, là, oui. M. Niquet dit on voudrait bien leur expliquer que c'est ça le concept, mais pour eux, il s'agit là d'une preuve que l'autobus est inutile. Donc, c'est un exemple, ce que vous me dites, ça, c'est un peu un exemple de ce que vous leur reprochez, en fait. C'est de sortir un élément de la vérité pour le faire passer pour la vérité. Oui, et tout ça au profit d'une espèce d'une liberté, entre guillemets, qui, selon moi, ne permet pas aux gens d'user de leur liberté et de leur libre arbitre pour réfléchir. Un autre exemple cette semaine, parce que je sais qu'un des arguments, c'est souvent de nous dire que, ah, mais vous nous écoutez pas, vous nous citez hors contexte. Mais moi, au contraire, j'ai un certain plaisir à les écouter. Je les écoute pas hebdomadairement ou quotidiennement, mais souvent, quand il y a certains dossiers où je sais qu'ils vont se pencher là-dessus, dans mon tour de presse, au même titre que je consulte n'importe quel autre média au Québec, je peux écouter des heures entières de Choix FM et des montées de lait de leurs animateurs. Cette semaine, il y avait entre autres débusqué trou sur YouTube, un pauvre type, un quidam qui se disant sur le BS, mangeait des rondelles d'oignon en disant qu'il remerciait les travailleurs. Alors pour eux, ça a fait scandale. Je pense qu'ils en ont parlé à peu près 4 fois pour dire. Et là, on a trouvé, on a un BS, toujours avec le terme, qui est comme un petit peu péjoratif, mais bon, mettons qu'on l'accepte. Alors oui, on a trouvé un BS qui vit à votre cachet et que vous voyez, il pourrait travailler. Alors, devinez quoi, on a Éric Duhaime avec nous pour nous en parler en plus. Oui. Et là, ça devient le cas de faire le procès sur les assistés sociaux qui pourraient être aptes au travail. Et là, sur la base de ce clip-là où on va à la chasse au BS et tout le monde, on essaye de trouver c'est qui. Ils l'ont reçu en entrevue. Et là, on a Duhaime qui fait une chronique pour venir dire ensuite, par la suite, regardez, ça illustre très bien un problème répandu. Et que ces gens-là, regardez, mais ils pourraient travailler, ils ont des téléphones, ils sont capables de faire des vidéos et de les mettre sur YouTube, il y a sûrement des compagnies qui pourraient les engager. Alors, c'est toute cette mouvance-là où on nous présente quelque chose qui est tout à fait anecdotique, qui est même pas une histoire, qui est un kidam qui a fait une vidéo qui est même pas très bon, qui a mis sur YouTube, et à partir de là, on peut faire le procès de toute une tranche de la société. Et c'est exactement... Et là, ben nous, et sous le couvert, on nous dit, oui, mais nous, regardez, on va aller au-delà de la surface des médias, on va creuser, on va faire les choses autrement, et pour promouvoir la liberté. Mais ça, pour moi, c'est pas la liberté de penser, ça, c'est au contraire, c'est s'enchaîner dans des espèces d'amalgames et des idées, des reçus sur une tranche de la population, comme ça, et on se permet de faire le procès de plein de gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas leur nom, on ne sait pas pourquoi les gens, on peut savoir dans certains cas, mais là, on vient prouver à tous ces auditeurs, regardez-vous, vous travaillez très dur, mais il y a des gens qui vivent au cachet de la société et qui ne travaillent pas. Et donc, cette espèce de pensée-là, et là, on dit, on parle au nom du vrai monde. Mais c'est complètement fictif. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas de vrai monde. Il n'y a pas de. C'est simplement, on a pu faire du millage pendant. Je pense qu'en tout et partout, ils ont dû en parler certainement 1h30 pendant toute la semaine, à différents moments, ça, avec différents. Encore mieux. Ils ont fait un. Ils ont même fait Morel Live, en fait, un espèce de Price is Right à son émission, un quiz pour ce là. Les gens étaient appelés pour deviner le nombre d'assistés sociaux aptes au travail au Québec. Alors, vous voyez, cette espèce de... Donc, pour moi, ça, puis j'ai beau essayer de m'expliquer autrement, pour moi, ça, oui, ça me semble être une mentalité de jambon. C'est ça fait caricatural, mais je vois pas d'autre explication. Très bien, M. Jourdouin. Écoutez, évidemment, ici, à CKRL, sur la fausse patte particulièrement, c'est une émission qui se veut une espèce de contrebalancier, en fait, pour ces radios-là, ce propos-là. Bon, mm-hmm. On est communautaire et tout, mais on fait notre mission du mieux qu'on peut avec et avec beaucoup d'honnêteté. Par contre, bravo s'il y a des gens qui sont comme vous et M. Niquet qui dénoncient ces gens-là. Et évidemment, ils frappent fort, ils reviennent après, ils mordent encore plus fort. Bravo pour votre initiative. Par contre, moi, il y a un effet pervers à tout ça. Et cet effet pervers-là, c'est que ça éclabousse beaucoup la ville de Québec. Vous avez tout à fait raison. Et ça, l'affaire, c'est que au niveau de là, il y a comme une guerre fictive là, qui est comme dessinée entre Québec et Montréal, qui est alimentée là, avec depuis le 400e surtout. Là, nous, on n'a eu Paul McCartney, vous l'avez pas eu, mais là on va avoir une équipe d'entrée. Ensuite, avec la reconstitution sur les plaines, il y a eu le même genre de débat aussi. effectivement, puis elle a, comme vous alliez parler de l'amphithéâtre, j'imagine. Exactement. Puis, oui. L'équipe de hockey, évidemment, la Ligue nationale, le retour, PKP, etc., le maire, la bombe. C'est une belle valse, là, c'est une belle saga. Et malheureusement, et je dois dire que cette dénonciation-là a pour effet pervers, justement, de livrer une image extrêmement un peu biaisée de la ville de Québec. Parce que, et c'est là, moi, que je suis un peu en désaccord avec ce qui se passe, c'est que c'est bien que vous dénonciez cette radio-là et ces gens-là. Par contre, ça leur donne de la visibilité énorme et ça laisse dans l'ombre la ville de Québec de tous les jours, la vraie ville de Québec, en fait, qui fonctionne bien, qui y a des gens, c'est pas tout le monde qui est pour l'équipe de hockey, c'est pas tout le monde qui est pour la chasse au BS. Donc, et c'est un peu dommage. C'est quoi, selon vous, votre degré de responsabilité, justement, dans la divulgation et l'émancipation de cette image-là? Écoutez, dans un premier temps, je dois me défendre et j'ai même fait une chronique aujourd'hui où je parle de notre spécialité des jambons de Montréal. Et c'était pas pour me rattraper, c'est parce que je crois qu'on a aussi des exemples. C'est ma chronique du jour que je viens de faire paraître aujourd'hui sur le site web devoir.ca. Bon, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, moi, j'ai parlé des animateurs de Choix FM et de ceux qui se nourrissent à Choix FM, et il y a des gens qui, un, ne sont pas de Québec, qui sont même de Montréal, qui vont réagir parce qu'ils écoutent, eux, via le net Choix FM. Je n'ai jamais parlé des citoyens de Québec, il n'y a jamais personne qui a parlé de ça, et c'est là que c'est fort dommage, parce que justement, et c'est ce que je pointe dans ma chronique, tout de suite, on tombe dans une dialectique ou dans des antagonismes entre Québec et Montréal, alors que moi, non, c'est pas parce que je dis qu'il y a des jambons qui animent dans une radio de Québec que je suis en train de dire qu'il n'en existe pas ailleurs et que tous ceux qui habitent Québec et même éventuellement ceux qui n'écoutent, les écoutent pas. Et au contraire, moi, je connaissais déjà votre station pour m'y être déjà rendu. On connaît assez bien Chiz aussi. Bon, cette espèce le même pendant de CIBL et CISM ici à Montréal. Il y a plein d'autres choses culturelles qui se passent à Québec. J'ai joué dans des bars, il y a des cafés, il y a plein de gens intéressants. Et nous, on ne parle pas de ça. C'est toujours mais par contre, c'est la réplique. C'est dès que l'on pointe Choix FM, et ça, c'est quand même, ça, je faut le dire, c'est que quand on pointe Choix FM, on se fait tout de suite répondre que, ça, c'est des frustrés de Montréal, à col roulé du plateau, les gauchistes, moi qui ne suis même pas particulièrement à gauche, là, mais bon, ils sont pas obligés de le savoir, mais il y a pas de ça là-dedans, mais c'est toujours la défense de c'est Montréal contre les régions. Mais moi, je ne sens pas ça. Il faudrait leur dire à eux, comment se fait-il qu'eux, ils font rayonner Québec sous le leitmotiv de la dénonciation de Montréal? Il n'y a personne ici à Montréal, je n'entends jamais dans une radio, lorsqu'on parle des problèmes de Montréal ou qu'on veut promouvoir une salle de spectacle, un quartier des spectacles ou quoi que ce soit, je n'entends jamais personne dire « ben là, avec la gang de Québec, jamais ». La seule fois où on parle de ça, c'est lorsqu'on pointe de manière très spécifique ces animateurs de radio-là. Et comment se fait-il que... Et moi, je dirais que c'est un effet pervers de leur prétention à représenter le vrai monde et le peuple. Et j'ai l'impression que ça découle de ça. Si tu touches ces gens-là, comme ces gens-là se déguisent ou dans la prétention de parler au nom du peuple, ben c'est comme si tu insultais le peuple. Mais ce qui est absolument faux. Il n'y a jamais personne qui a dit ça. On dit ces gens-là sont de la manière qu'ils parlent, de la manière qui nous invite à penser, leur discours, et plus souvent qu'autrement, nono. Et c'est tout ce qu'on dit. Et là, on a utilisé le mot jambon. Bon, mais ça n'implique d'aucune manière les citoyens de Québec, les gens qui habitent à Québec, à Lévis ou fouillez-moi où. Et d'ailleurs, il y a des gens au Saguenay qui se sont sentis visés. J'ai vu ça hier parce qu'il y a une station en effet. Dans le même qui est bon. Et ben, écoutez, ce que je veux dire, moi, je ne parle pas je parle des gens qui se nourrissent à ça, des gens qui viennent toujours. Et l'espèce, il y a une espèce de zélotisme des zélotes de ces animateurs-là que dès que t'attaques Choix, là, tu vois débarquer le troupeau de gens. Tu as attaqué notre animateur. Sache qu'on n'est pas tous pareils à Québec. On est capable de penser par nous-mêmes. Ben, tant mieux. C'est parfait, mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut dénoncer ça comme étant des jambons, comme on peut dénoncer la jambonnerie, comme je le fais aujourd'hui, des animateurs comme Dutrisac à Montréal, ou même l'espèce de démagogie qui est à peu près permanente chez des animateurs comme Richard Martineau ou des choses comme ça. Et on le fait simplement parce qu'on dénonce des personnages publics qui prennent la parole dans des médias. Mais est-ce qu'on est en train de dire, si je vous dis que du trisac, du déniaiserie à radio, je suis pas en train de vous dire qu'à Montréal, c'est une ville de nono. Non, okay. Et c'est là que j'ai un problème, moi, parce que nous, c'est pas ça qu'on dit. Mais c'est ça qu'on reçoit comme réponse. Et même des gens comme Moret et des choses comme ça, même au Saguenay, l'animateur de show au Saguenay, a décidé de dire il traite les Saguenayens de jambon. Non. Il traite les gens de Québec de jambon. Non. Et moi, j'ai même pas embarqué là-dedans. J'ai pas voulu répondre. Simplement pour dire que ben non. Puis oui, si vous voulez. Si votre argument, c'est de répondre qu'il y a des jambons ailleurs, même à Montréal, ben je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu as raison que c'est un effet pervers. Mais il ne vient pas, selon moi, de simplement de l'attaque. Évidemment, qu'on pointe une radio de okay. Québec. OK, mais ça vient où d'abord, hein, M. Jodoin, selon vous, le fond du problème, là? Si, évidemment, j'ai toujours une phrase. En tête, j'ai toujours un principe que plus un chien est petit, plus il jappe, on se comprend, plus il gueule. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça viendrait d'un sentiment complexe d'infériorité qu'on aurait à Québec? Je ne sais pas. Ben non, mais là, vous venez de le faire. Non, je ne pense pas que ça vient de Québec. Je pense que ça vient de ces gens-là qui eux-mêmes sont. Je ne sais même pas s'ils sont natifs de Québec, moi, ou ils sont. Là, j'imagine qu'ils habitent là parce qu'ils travaillent là, là. Mais non, je pense que ça vient d'un. Peut-être pas d'infériorité, mais une espèce d'antagonisme entre des gens qui veulent parler au nom du vrai monde. Puis ils en ont. Ils sont tannés. Puis une espèce de guerre larvée contre la clique du plateau, l'intelligentsia intellectuelle du Québec qui habiterait le plateau, qui vit à Montréal. Je pense que c'est un sentiment d'animosité envers ça qui c'est fort dommage parce que effectivement on peut discuter oui effectivement il y a bon peut-être que le pôle culturel à Montréal ou le pôle journalistique médiatique est peut-être centré un peu sur lui-même. Ça c'est toutes des choses desquelles on pourrait parler mais à partir du moment où on lance ça comme une idée générale, où on fait peur au monde avec des gens qui sont un complot de Montréal et des gauchistes du plateau, je vois pas où ça mène. Moi, je pense pas qu'il existe un complot des douchebags de la Basse-Ville, là. J'ai aucune idée. Je ne pense pas que ça existe, ça. OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien ce que vous voulez en venir. Mais à ce moment-là, est-ce que vous pensez que le rôle de la convergence des médias, parce qu'on regarde, par exemple, nous, à Québec, j'explique un peu ce qu'on vit. Dans le cas de l'amphithéâtre, mettons, de la marche bleue qu'on a eue cet automne, mm-hmm. C'est pas compliqué, là. Il y a, mettons, on prend le Journal de Québec. Dans le Journal de Québec, on titre très haut, très fort, le nouvel amphithéâtre, il y a de l'espoir, ça se peut, la Ligue nationale. Après ça, à l'intérieur du journal, l'événement réuni, on cite les animateurs de deux stations de radio ici, Choix FM et l'FN 93. Oui, ensuite, il y avait peut-être une coalition pour ça, là, justement. Exactement. Et là, un mouvement pour la Nordique Nation. Oui, oui. Et là, après ça, si on écoute ces stations de radio-là, ben, on se rend compte que c'est TVA Nouvelle qui fait la revue de l'actualité. Mm-hmm. Et ensuite de ça, on retrouve des journalistes, des chroniqueurs comme Richard Martineau, par exemple, qui, eux, et Éric Duhaime, qui tiennent l'antenne à LCN et à TVA. Et ça roule comme ça. Et là, maintenant, il y a des gens comme, par exemple, Gilles Parent, qui, lui, a une chronique dans le Journal de Québec. Est-ce que vous pensez que cette surabondance d'informations, cette collusion au niveau du message médiatique aurait un rôle à jouer justement dans cette haine-là, dans cette espèce de d'esprit qui fait rage un peu là, ici, entre autres à Québec, qui est plus évident qu'ailleurs, mais qu'on retrouve ailleurs aussi. Est-ce que ça a un rôle, cette convergence-là? Ben, c'est sûr que dans la mesure où les médias ont des intérêts convergents et s'emploient tous ensemble, vous voyez, où il y a le moins de monde qui ont droit au chapitre, alors qu'on entend toujours les mêmes personnes parler à l'intérieur d'un nombre de médias limités, ça aura un effet sur tout, dans toutes les sphères de la société, de la manière de se nourrir jusqu'à aller à la manière de se loger ou quoi que ce soit de genre. Dans ce cas spécifique-là, sur la rivalité Montréal-Québec ou sur l'idée que cette espèce de rivalité-là, si vous voulez, entre la clique du plateau de gauche et tout ça, je ne sais pas. Je vais vous dire, je sais pas. Je sais pas si. Je sais qu'eux entretiennent ça. Et moi, je serai toujours le premier à dire aux gens de s'informer dans des sources alternatives ou de varier le plus possible leurs sources. Nous, maintenant, si je parle à notre cas, au Voir, Évidemment, nous, on est toujours taxé d'être l'organe d'information de la clique du plateau par excellence. Hein, c'est le journal Voir, bon, la culture subventionnée à Montréal. Mais on a des éditions et des rédacteurs en chef dans toutes les régions où on a David Desjardins à Québec avec une édition spécialement pour Québec. On a même chose à Gatineau, même chose à Sherbrooke, même chose au Saguenay, en Mauricie. Donc, moi, personnellement, comme je travaille dans un média qui essaye plutôt de donner voix à tout plein de travailleurs dans leur région, je le sens pas. Donc, je me sens autorisé à critiquer ça, si vous voulez. Après ça, si vous me demandez si oui, je sais pas, effectivement, si vous avez juste des animateurs, des journalistes qui sont pour ça, ou tel amphithéâtre ou quoi que ce soit, chose contre laquelle on n'est pas contre à Montréal, par ailleurs, là. Effectivement, ça a un rôle à jouer, là, tu sais. Il n'y a pas juste des journalistes qui sont de cette opinion-là, évidemment, mais sauf qu'il y a un bloc médiatique très, très fort qui martèle un message. Bon, écoutez... Oui, mais vous savez que... mais je dois dire quand même qu'ils n'ont pas tout à fait tort, ceux qui reprochent à Montréal, à contrario, là, d'être plutôt pro-culture subventionnée, peut-être, de gauche. Effectivement, à Montréal, d'être plutôt, si vous voulez, multiculturaliste. On a une réalité toute municipale, nous aussi. Là où le bas blesse, c'est peut-être que notre réalité municipale est aussi celle de la métropole du Québec. Comme par hasard. C'est du centre, pas comme par hasard, parce que c'est corollaire, là. Mais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, nous, on a peut-être tendance, et ça, aussi je vais victime, en fait, à traiter nos problèmes tout municipaux qui sont, comme la lutte pour éventuellement le danger de voir Montréal s'angliciser. Des combats, là, sans tenir compte de ma position, là, des combats qui me semblent légitimes, ou en tout cas des inquiétudes qui me semblent légitimes. Peut-être qu'on a tendance, dans des médias qui sont montréalisés, entre guillemets, à relayer partout au Québec ces problèmes-là, qui sont peut-être au fond des problèmes tout à fait municipaux. OK, d'accord, ouais, je comprends. Oui. Ce que vous me dites, c'est ça, et l'anglicisation, c'est vraiment un bon exemple. Un bon exemple, ou même l'immigration, ou des choses comme ça, ou l'étalement urbain, bon, des problématiques qui sont très montréalaises, mais qui sont aussi québécoises, dans le sens de la municipalité de Québec, au niveau de l'étalement urbain. Mais donc, ce sont les transports en commun, évidemment, on a un métro, des choses comme qui sont tout à fait municipales, mais qu'on traite un peu de manière comme si ça... Et évidemment, okay, comme nos médias sont là, vous allez en entendre parler. C'est comme si ça devenait un enjeu à Warwick, là, que les wagons de métro à Montréal ne fonctionnaient pas. Tu sais, je caricature, mais ça pourrait ressembler un peu à ça. Donc, la centralisation... Effectivement, et ça, je peux comprendre que ça peut achaler les gens et que là, il y aurait peut-être un balan à faire. Mais c'est pas un complot réfléchi, ça. C'est basé sur des éléments géographiques et démographiques. On est la métropole, que je vous dis. D'accord, mais il y a la centralisation de l'information aussi. Ben oui, c'est corollaire de ce que je suis en train de vous dire exactement. En même temps, effectivement, à Québec, bon, tout part de Montréal, les médias vont se mettre en blocus pour promouvoir quelque chose de Québec. C'est quelque chose qui va arriver, effectivement. Mais c'est pas évident non plus. Vous êtes payé pour le savoir, ou peut-être pas payé pour le savoir, justement. C'est pas évident d'amener les gens à consulter des sources alternatives. Et jamais j'ai pensé, moi, qu'à Québec, je connais très bien votre station, comme je disais, je connais très bien Chiz. Je sais tout ce que Québec fait aussi pour la culture alternative avec les travailleurs, des travailleurs comme au Bal du Lézard ou au Cercle. C'est un territoire que je connais très bien et j'ai jamais pensé ça, que les gens de Québec pensent tout comme cette petite gang-là qui se mettent ensemble dans les médias. Parfait. Très bien. Alors, je ça éclaircit bien, en fait. On va exactement sur le terrain où je voulais aller, Simon. Merci beaucoup. Maintenant, rapidement, l'entrevue tire à sa fin. Vous m'avez parlé tout à l'heure des jambons de Montréal. Ça m'intéresse, moi. C'est qui, ça, les jambons de Montréal? Qu'est-ce qu'ils font pour être jambons? Vous pourrez aller voir la chronique de cette semaine. C'est parce que je trouvais ça amusant, parce que justement, dans cette chronique-là, suite à ma lettre, on me disait « Ouais, ben là, tu parles pas, il n'y en a pas juste à Québec. Ouais. » Puis je pense que ceux qui me répondent ça, ils ont tout à fait raison. Et oui, il y a des moments, en tout cas, moi, quand j'entends Gilles Proulx, je n'entends pas beaucoup de moments d'intelligence et d'invités. Bon, il y a un bel exemple, mais ça, je ne cite pas dans ma chronique, mais un bel exemple comme à l'émission Mario Dumont à V où on invite Gilles Proulx. Et là, on a 5 minutes pour chialer le plus possible sur 5 sujets possibles sans jamais aller en profondeur. Il s'agit juste de crier pendant 5 minutes. Et c'est comme si l'enjeu de faire ça le plus court possible était très important, alors qu'il me semble que socialement, on aurait parfois l'avantage à prendre plus, à faire le plus long possible dans notre réflexion dans les médias. Et ben l'exemple que je donne cette semaine dans ma chronique, c'est un extrait avec du Trisac ici à la radio Parler qui invitait les gens à aller à la, parce qu'il y avait eu une espèce de, pas un couvre-feu, mais il avait demandé à Amsterdam, la communauté juive avait demandé de ne pas faire de bruit pour leur fête du Nouvel An, le Nouvel An juif. Et lui, bon, évidemment, ça, il trouvait que ça n'avait pas de sens et il s'est mis à vociférer ici, c'est au 98.5, je crois que l'indicatif à Montréal, possible. Dans sa station, il invitait les gens à aller klaxonner, à aller crier et même à aller péter pour montrer aux Juifs c'est qui les boss au Québec. Et vous voyez, c'est exactement. Et ça, en deux minutes. Alors que l'enjeu, c'était de nous expliquer quel est l'enjeu éthique, l'enjeu de religion, l'enjeu social. Que signifie cette fête-là? Qui sont-ils d'abord, ces Juifs-là, que personne qui écoute la station n'a jamais vu? Ça, on l'aura jamais appris dans ces 12 minutes-là. Même pas, c'est 7 minutes l'extrait. Mais on aura appris que, bon, là, il y a des maudites limites à se laisser manger à l'une sur le dos, puis il vaut mieux aller péter là-bas puis les déranger. Vous voyez, c'est ça, ce propos-là. Et ça, c'est tout à fait jambon. Et je regarde, je voudrais bien trouver d'autres mots ou d'autres manières, mais il faut dire les choses un petit peu comme elles sont. Ces gens-là réfléchissent comme des bouts de viande. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je... Alors, bon, on a sorti la caricature du jambon et... Mais inquiétez-vous pas, on va pas traiter tout le monde de jambon toute l'année. Là. Très bien, non, mais on s'en doute bien, on se doute bien. Eh bien voilà, Monsieur Jourdain, merci beaucoup. D'ailleurs, ça, au moins le gros avantage, c'est que ça brasse la soupe encore une fois, ça fait sortir les discussions. Et puis bon, ben, ce qui est bien, c'est que ça force une espèce de dialogue entre justement cette clique de plateau que vous représentez et ces jambons dont je fais partie. Oui, mais je veux dire, je me défends tout à fait. Oui, effectivement. Si vous acceptez d'être un jambon, j'ai bien été accepté. Voilà, en caricature, en fait. Mais je ne représente personne. Sinon moi-même. Voilà, ben pareillement, c'est la même chose pour moi. S'il y a des gens qui joignent mon opinion, eh ben tant mieux. Eh ben Simon Jourdain, merci beaucoup de votre participation et de votre présence à notre émission. Ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Eh ben ça fait grand plaisir. Donc qui sait, peut-être un jour on aura la chance à nouveau de se parler. Donc bonne fin de journée, à la prochaine. C'est bien, merci, au revoir. Au revoir. Donc, un petit rappel pour ceux qui se joignent à nous, on parlait avec Simon Jourdain, qui est éditorialiste au Voir Montréal. Évidemment, son éditorial de la semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre, cet éditorial qui faisait suite à celui, à une chronique de Olivier Niquet du Pornographe sur Internet, qui parlait des radios jambons, en parlant de Choix FM et de ses animateurs. Évidemment, cette accusation-là, que l'on fait, c'est comme une caricature en fait, qui a créé un tollé au niveau des habitants de Québec. Deux choses l'une, il y a les pro-radio, les pros de cette radio-là qui est vraiment sur montée aux barricades, et aussi d'autres gens un peu plus modérés, dont je fais partie, qui a écrit en disant « Je suis d'accord avec vos propos, mon cher monsieur, mais ce que vous dites, ça entache un peu l'image que vous laissez de la ville de Québec. » Et c'est un peu ce qu'on essaie de rectifier aujourd'hui. Il y a M. Jourdain qui nous disait que c'est pas contre tous les habitants de la ville de Québec. Il disait lui-même apprécier beaucoup notre ville et savoir qu'il n'y a pas que ce propos, ces propos fielleux et un peu démagogiques qui sont véhiculés, mais bien, il y a une diversité aussi de discours qui sont présents. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait rectifier avec lui en ondes aujourd'hui. Discussion très intéressante. Et puis ben là-dessus, au retour de la pause, mesdames et messieurs, on est en première partie d'émission, on aura l'arrivée d'un nouveau chroniqueur ici à La Fausse Patte qui s'appelle Julien D, qui est aussi de Montréal, qui est un blogueur satirique qui va nous en parler un peu plus tout à l'heure et que lui aussi a son mot à dire sur les radios poubelles de Québec et sur la vision, le comportement qu'ont les Québécois, parce qu'on en a parlé avec M. Jourdain, face à cette situation-là. Et il a des opinions assez acérées et tranchées. J'ai bien hâte de vous entendre ça et on aura une bonne discussion là-dessus. Pour l'instant, bien, écoutez, on va faire un petit, comme à notre habitude, un petit bloc pub. Et tout de suite après, à nouveau, une chanson du nouvel album des Cowboys Fringants. Ça fait 3 semaines en ligne que je vous en envoie, mesdames et messieurs, mais que voulez-vous, je le trouve vraiment très intéressant. Ça sera une chanson qui aussi parle un peu d'une certaine clientèle. Ça s'appelle Party et en réplique, Loco Locas, Spleen et Montréal. Pour l'instant, bloc pub.

ça va mal. Mais depuis que j'ai quitté la capitale pour Montréal, faut que je sois réaliste, je m'étale dans le dédale de mon encéphale. Plus souvent que je détale en direction de mon idéal. L'astral, l'astrain, au train, train quotidien, comme un esclave à fond de cale. J'ai l'impression que la vie m'avale, mais sans mon aval. Comme Diogène avec son fanal, je cherche un homme en moi qui ne soit pas celui que je vois. Moi, après moi, je sais pas ce qui va pas. J'ai pourtant mes 10 doigts, ma blonde à côté de moi, un toit, j'ai même un emploi. Mais chaque jour un peu plus je ploie sous le poids d'un couvercle bien vissé. Au-dessus de ma tête une sorte de cercle bien vissé, sans aspiration. Je peux plus respirer, aspirer par la spirale d'une houle à rappel. Je me rappelle qu'il faut que je coule encore plus profond pour espérer remonter si j'ai de la veine avec la veine de fond. Comme dans le vortex de Mistral, vortex de Mistral. Toujours en quête d'un idéal. Sensu seul et scellé dans son salon morose, je me métamorphose comme le cafard du cas Kafka. Mon corps est comme une espèce d'insecte extrinsèque à mon cortex, à peine parvenu larve à des années-lumière de malamute. En rut, je me tends vache à vache dans son présent. Une sorte d'animal mou, un mal de mouvement. Assis ici et là, là, là. Sans cesse c'est lent, sans lancé par la paresse. Le remords mort aux dames dévore corps et âme comme mon ostination. Sans aucune ostination, je suis le pro de la crastination. Le paresseux qui paraît sans s'assuer, assier ses essieux pour justifier avoir à les réparer avant de pouvoir être paré. Tant de talent latent au fond de l'étang, attendant un élan. Après deux ans, hein, il serait peut-être temps que je me botte le 1, car quand je le veux, je peux devenir Dieu vivant sur le qui-vive en équilibre comme l'air de rien. Tenez-vous ben, je m'en viens tout comme Poséidon. Je possède le don de faire frémir les flots quand je dis vent. 20 vagues vont de l'avant, mais le plus souvent, verre de vin à la main, je dis vague en vin sur le divan. Comme dans le vortex de Mistral, vortex de Mistral. Avis ma part en amont en aval, en amont en aval. Comme Diogène avec son fanal. Toujours en quête d'un idéal. Comme dans le vortex de Mistral, vortex de Mistral. KRL. Les gens autour de moi comprennent pas comment j'ai pu arriver à chausser ça. À Québec. Après les Loco Locassés et les Cowboys Fringants, on est de retour sur la fausse patte à CKRL 89.1. Eh bien, on a eu en ligne tout à l'heure Simon Jodoin, l'éditorialiste du Voir Montréal, qui a fait une esclandre sur les internets et un peu partout sur les ondes radio aussi, en qualifiant les radios poubelles et les radios poubelles de jambon, en fait. Et ça, c'était en lien avec un article d'Olivier Niquet, du pornographe sur Internet. Eh bien, nous, on va continuer de réagir là-dessus parce qu'on va rejoindre un nouveau chroniqueur, en fait, qu'on a ici à la fausse patte. Il est Montréalais. C'est un blogueur satirique et grinçant qui on peut le lire sur l'axe du MAD sur Internet. Alors, Julien D, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ouais, pas pire. Alors, ben, écoute, bienvenue sur la fausse patte, Julien. C'est toute une première. Donc, écoute, grosso modo, explique-nous donc. Écoute, moi, je t'ai connu il y a quelques semaines de ça en découvrant tes écrits sur le web. Alors, explique-nous donc d'où tu viens, ta démarche et c'est quoi l'axe du MAD? Ben en fait, moi j'ai comme ça fait à peu près un an et demi que c'est un peu poche à dire, là. J'ai un peu honte, mais que je suis quand même un accro des médias sociaux, si tu veux. Puis j'ai toujours écrit. À peu près un petit peu plus qu'un an, j'ai commencé à écrire des textes, parler un peu de politique, puis tout ça, rien de quelque chose de un peu plus personnel, là. Puis c'était mes amis qui lisaient ça plus qu'autre chose. Puis là, une couple de mois, à un moment donné, je me suis fâché, moi ça faisait une couple de fois, je tenais une web star, si tu veux, ici dans le coin, qui me tape un peu sur les nerfs depuis à peu près un an, mais qui tient des propos un peu similaires, si tu veux, c'est pas nécessairement la même chose que des animateurs à choix. Puis j'avais écrit un billet qui avait été beaucoup partagé sur lui. Puis comme de fait, c'était pas vraiment mon style de billet, mon style d'écriture, mais ça m'a permis de me faire connaître un peu, puis j'ai un peu profité de ça, puis à date, ça va bien, je me sens entouré de bien beau monde, puis on a un beau projet. OK, c'est un collectif, finalement, l'Axe du Mal, c'est ça? Exactement, on est six autres, dont des humoristes, puis d'autres personnes qui ont un talent inné pour le blog d'opinion, là, si tu veux. OK, et qui sont-ils, ces gens? On a Jackie San, qui est une fille de Québec, qui d'ailleurs ce soir va publier un billet sur le sujet de l'heure. On a Jay Leblanc, qui est un ami que j'ai découvert, lui, d'Internet. Puis on a trois humoristes, Adib Al-Khalidé, Fonny Sigal, qui écrit sous un pseudonyme, et on a aussi Thomas Levac, de l'École nationale de l'humour, qui nous fait des petites chroniques de sport de temps en temps. D'accord, donc c'est vraiment une revue de l'actualité politique et sociale, mais avec un grain de sel plus salé que pas salé, c'est ça? Ben moi, en fait, en lançant ça, l'idée derrière ça, c'est parce que j'avais eu une expérience plus ou moins concluante dans un autre blog collectif, c'est-à-dire qu'il y a des clashs d'opinion, puis surtout des clashs de façon de voir la chose, là, le blog, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, c'est-à-dire que moi, je pose mon message d'une certaine façon, mais tout ce qui est démagogie ou whatever, raccourci facile, comme Simon Jodoin parlait de ça, je l'ai dit une note avec toi, tu sais, ça, je veux me dissocier de ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste entouré de monde que je sais qu'il n'y aura pas de trouble de ce côté-là, du monde dont je respecte l'intelligence, puis que moi, je veux pas avoir une charge de travail, parce que c'est un site qui rapporte rien, là, du moins pour l'instant, mais c'est pas dans les plans les plans immédiats, là. Très bien. Écoute, Julien, tu as aussi mis ton 25 cents sur le bord de la table de poule en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu. Tu as des propos un peu similaires face à ceux de M. Jodoin. Tu parles, t'es monté au bat aussi pour critiquer et vilipender les animateurs de Choix FM. Qu'est-ce que tu as à reprocher à nouveau à ces gens-là qui animent de la radio sur les ondes de Québec? Ben moi, premièrement, faut savoir que, tu sais, quand j'ai dit que j'ai commencé à écrire des billets, là, un de mes premiers, je faisais référence à ce qui s'était passé dans le temps de Jeff Fillion, dans le fond, la manifestation d'à peu près 50 000 personnes. Moi, j'avais avalé de travers dans le temps, là, tu sais, dans le sens 50 000 personnes dans la rue, il y a bien des choses qui méritent ça, mais peut-être pas Jeff Fillion. Fait que ça, tu sais, je faisais souvent référence à ça, dont dans mon premier billet, dans mon premier billet, là, un an, puis c'est ça, mais tu sais, quand tu m'as approché pour faire l'entrevue d'aujourd'hui, tu me disais ma perception du monde de Québec, puis c'est ça qui est drôle, ça voit un peu ce que Simon Jodoin disait, je l'ai pas long. Moi, j'étais avec deux amis quand tu m'as demandé ça, puis j'ai dit, je vais parler de la perception des Montréalais, des gens de Québec, puis eux, ils étaient pas trop sûrs, ils pensaient que je parlais de touristes, tu sais, puis c'est vrai, on a comme pas de perception de ça, tu sais, puis le débat, mettons, sur les shows d'été à Québec, là, tu sais, nous autres, je me rappelle, il y a deux ans, il y avait Ayam qui venait, ou je suis sûr si c'est ça, mais bref, ça n'a pas d'importance. Et nous, on était tous contents, là, c'était 2 heures d'ici, Québec. Québec, c'est une super de belle ville. Moi, personnellement, c'est la ville que je trouve la plus belle esthétiquement parlant, là, tu sais, puis il n'y a comme pas de guerre idéologique, là, tu sais, puis en plus, sur Internet, c'est amplifié par le fait que effectivement, il y a deux clics, là, qui s'envoient des insultes d'un bord puis de l'autre, mais je pense que d'un bord, c'est mieux fait que de l'autre, mettons. Là. OK, et l'angle bord où c'est mieux fait, c'est Montréal. Ben non, je te dirais non parce que mais je te dirais juste que la grosse différence là, c'est que je te dirais qu'il y en a une guerre idéologique, mais juste d'un bord. Je me suis peut-être mal exprimé là, mais tu sais, c'est qu'à Québec, dans le fond, vous avez choix, puis les codes d'écoute, ça ment pas, là. Choix, ça marche à Québec, tu sais. Ben de moins en moins, là. Oui, de moins en moins, en fait, il y a une baisse, mais il y a encore il y a effectivement des gens qui sont là fidèles au poste. Il y a beaucoup de gens, moi, je discute, il y a des gens qui sont là, moi, qui me disent qu'ils... Ah, oh, je l'écoute, je les trouve drôles. Ben, c'est tout voilà. À fait plausible, ça, justement, je veux souligner ça, là, tu sais. Moi, j'écoute Spike TV chez nous, tu sais, j'écoute Mansell, ce qui est une émission avec des explosions, des filles pas beaucoup habillées, puis tout ça, puis tu sais, je me sens pas moins intelligent pour autant, là, tu sais, je veux pas dire que t'écoutes choix, nécessairement, tu sais, tu t'aimes pas les BS, puis t'es prête à les bâcher en nombre devant 100 000 personnes, là, tu sais, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, choix prend beaucoup de place, puis veut pas, il y a des propos, il y a des idéologies qui sont véhiculées là-dedans d'une façon pas correcte, selon moi, si tu veux. Puis c'est souvent relié à ce qui se passe à Montréal, les gars gauches à Montréal, puis tout ça. Puis nous, on n'a pas ça de notre bord, tu sais, on n'a pas le rappel constant que quelque part, il y a du monde, tu sais, une fois de temps en temps, mettons, Gabon, ils ont tous voté ADQ cette année, tu sais, bon, c'est correct, tu sais, on oublie vite, tu sais, on n'en parle pas. Ils ont élu André Arthur, tu sais, ou, je sais pas, moi, il y a des conservateurs cette année, je sais, OK, on oublie ça, tu sais. Mais il y a comme une constance, une guerre constante dans la radio de Québec contre Montréal qu'on retrouve dans aucun média ici, ou du moins en plus petite dose. Puis là, ça vient d'être fait, entre autres, par le Spornographe. Puis le Spornographe, on s'entend qu'il en trouve souvent là, des pour la Choix FM, ils savent de quoi ils parlent. Puis c'est comme la première fois qu'il y a eu une attaque moins civilisée, si tu veux. T'sais. Puis là, je fais référence au terme jambon. Puis tout de suite, les réactions, c'est comme, c'est quoi que j'ai lu, je pense que c'est Duhem sur son mur Facebook, dans le fond, qui a répliqué « C'est vous les pires jambons, vous nous accusez de faire de la radio poubelle, mais vous nous traitez de jambons. » Ils ont comme pas saisi le propos. Le texte est super intelligent, il relève de la démagogie, des propos stupides, entre autres sur les autobus là, et la performance du système de transport en commun à Québec. Puis ils bug sur le mot jambon. Là. Moi, c'est à un moment donné, j'ai comme l'impression de faire affaire avec du monde qui sont pas tous là. Puis ça, c'est une impression qui commence à être un peu généralisée pour le monde qui connaît le sujet ici, puis il y en a pas beaucoup. T'sais. Très bien. Ce qui est intéressant présentement avec l'exercice qu'on fait, et là je m'adresse aux auditeurs de CKRL, c'est on va chercher vraiment l'image, le fond de l'image que les Montréalais peuvent avoir de la ville de Québec. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Bon, ça fait pas toujours, c'est pas toujours plaisant à entendre, vous me comprendrez bien, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, écoute, Julien, je me permets, on a eu des discussions par écrit, évidemment, dans les dernières semaines, entre autres, sur ces publications-là. Et tu me disais, Christian, il va falloir là, que tu cesses de cacher ta honte face à ce qui se passe dans ta ville. C'est assez j'ai pris un peu durement et puis t'entends quoi par ça? C'est quoi? J'ai compris le message que tu voulais me livrer et puis je le partage en partie et j'aimerais que tu m'expliques là selon toi pourquoi les gens de Québec évidemment ont réagi fortement. Moi j'étais un des premiers à m'insurger devant dire à M. Jourdouin bravo pour cette attaque face cette dénonciation face aux radios que nous aussi on dénonce, mais tout de suite me braquer pour dire ben écoutez ça écorche la ville de Québec. Alors t'as ta propre opinion sur ce phénomène-là, j'aimerais t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Ben écoute, par rapport aux commentaires avant que le monde pense que je suis pas fin à ce point-là, quand j'ai dit cacher ta honte, c'est que premièrement, je réagissais à ce que tu avais répondu à Simon Jourdouin, tu sais, dans le sens tout de suite. Puis c'est ça qui est fou, c'est que dans le texte de Simon Jourdouin, et dans mes textes, et dans le texte d'Olivier Niquet, il y a comme pas vraiment de lien avec Québec. On parle vraiment de Choix FM strictement. Puis tout de suite, un des premiers commentaires qu'on a, c'est « Ah, ça écorche Québec, voyons donc, tu sais, puis ça. » Puis je le disais à toi, d'ailleurs, c'est une conversation privée, là, tu sais, puis je te disais, il va falloir, tu sais, à un moment donné, je comprends ça, que ça te fasse chier parce que veux pas, tu sais, on fait l'association par défaut, mais nous, on essaye de pas le faire trop, tu sais, on a des principes éthiques, journalistiques de base qui font en sorte que, tu sais, si on parle de choix, on va garder ça à choix, puis on se mettra pas à gueuler les villageois de Québec ou whatever. Tu sais, nous, on fait pas ça. Puis automatiquement, il y a comme ce sentiment-là, justement parce que la guerre idéologique est comme plus présente de votre part. On dirait que moindrement qu'on attaque choix, c'est comme si on attaquait Québec au complet. Puis ça, Simon l'a très bien expliqué tantôt, là, tu sais. Très bien. Écoute, il persiste quand même. Je suis allé faire un contrat, un spectacle à Montréal dimanche soir, et j'ai discuté avec les collègues compteurs après. Et il y a quelqu'un qui me disait, il dit, écoute, Christian, il dit, on en jasait de ça. Il disait, on le sait que c'est pas ça. On le sait qu'il y a d'autres mondes, il se passe d'autres choses à Québec, mais la vision du gros village, elle est là, elle est bien présente, et malheureusement, elle est toujours alimentée. Moi, à ce moment-là, rapidement, Julien, ce que je questionnais aussi au niveau du côté de M. Simon Jodoin, c'était la responsabilité de vous, gens de Montréal, sur l'émancipation de cette image-là. Est-ce que tu te sens responsable de ça, toi? Ben, écoute, premièrement, j'ai pas la même tribune que Olivier ou Simon, ça, il faut le dire. Moi, je suis un peu nouveau. Ça monte vite, ça, puis j'ai du monde qui me suivent, puis j'ai pas de doute que tu sais, je vais avoir une tribune respectable dans très peu de temps, là. Mais tu sais, le fait est que je me sens pas responsable premièrement, puis deuxièmement, je fais juste soulever des faits, là, tu sais, puis je pense, et comme je te dis, c'est bien cool qu'il y ait 1000 personnes qui lisent mon article en 12 heures, j'ai des commentaires. Quand je sors de chez nous, moi, puis que je fréquente mes amis autour, puis tout ça, Québec, là, c'est même pas une préoccupation, là, tu sais. Premièrement, tu sais, il faut pas se le cacher, c'est pas tout le monde qui est politisé dans la vie, puis probablement qu'on l'est comme... On l'est différemment qu'à Québec, du moins, parce qu'on l'est pas, on n'est pas informé nécessairement par choix ou le Journal de Québec. Ici, le Journal de Montréal est très puissant aussi, mais on a comme d'autres sources du moins qui plus accessibles, entre autres le 98.5 pas accessible, mais de plus clean dans les propos, tu sais, puis que c'est sûr qu'on peut reprocher à Dutrisac puis à Proulx d'être un peu mongol, c'est bon, mais je pense que, tu sais, c'est nos médias sont un peu plus clean de ce côté-là, puis ça, il faut pas se cacher la tête dans le sable, là. Je pense que c'est pas mal un fait, là. Du moins, tu sais, toutes les entreprises ont à peu près le même but, puis une entreprise médiatique a le même but que ce soit pour GESCO ou pour Québécois ou pour RNC, là. Mais le fait est qu'il y a une manière de faire les choses, puis la droite, on a une vision un peu biaisé de la droite, probablement à cause de choix FM. Là. Bon, écoute, Julien, il y a quelque chose d'intéressant, moi, que j'ai pu lire sur ton blog. Et c'est drôle parce que j'aurais tendance, moi, la première fois que je t'ai lu, j'ai dit, mais ma foi, il dénonce les radios de Québec. Il a un peu la même façon de faire. Je t'explique pas. Ben écoute, là, évidemment, en lisant et en discutant avec toi, on se rend compte que non, pas du tout. C'est pas, ça peut se ressembler, mais c'est pas du tout la même chose. Tu as écrit dans un article, personnellement, je suis fan de l'insulte. Je lui trouve parfois un petit côté artistique. C'est naturel et libérateur, souvent inévitable et généralement moins lourd de conséquences qu'un bat de baseball dans les dents. Ça, évidemment, on s'entend là-dessus. Et là, tu poursuis en disant, entendons-nous, je ne me promène pas aux galeries d'Anjou en traitant les petites vieilles de cadavres et les adolescents de Mongols. Il y a des circonstances et des moments propices à l'insulte. Et tu dis plus loin, pour terminer, le facteur est plus important à considérer lorsque l'on évalue l'intelligence de l'émetteur d'une insulte, c'est sa cible. J'aimerais ça que tu nous élabores ta théorie là-dessus, s'il te plaît. Ben, écoute, c'est pas compliqué, là. Moi, premièrement, pour te donner une idée, là, tu sais, dans le fond, c'est sûr, je suis politisé pour une raison, là. C'est-à-dire que j'ai fréquenté les associations étudiantes, je m'informe sur le sujet, je suis très au courant de l'actualité, puis tout ça. Puis, un moment donné, j'ai réalisé que certaines choses qui sont dénoncées à choix étaient vraies, là, tu sais. C'est-à-dire que, un moment donné, ça manque de pragmatisme dans la gauche, puis ça m'a vraiment rapproché du centre avec le temps. Puis moi, j'ai rien contre la vulgarité. Tu sais, tantôt, je parlais de Mansers ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai absolument rien contre la vulgarité. Moi, c'est quand on utilise quelque chose de même, qu'on utilise des propos grossiers pour se rallier une partie de la population sous des faits qui n'en sont pas, là, tu sais, c'est ça qui me dégoûte un peu plus, là. Tu sais, j'ai la prétention d'avoir une rigueur dans ce que j'écris, tu sais, puis d'appuyer ça par des faits qui sont comme scientifiquement pas loin irréfutable, là, si tu veux, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est discutable, mais tu sais, je fais attention, c'est même maladif, là, un peu mon affaire, à quel point je fais attention pour pas dire n'importe quoi, là, tu sais. Puis, c'est ça, c'est moi, à un moment donné, je veux qu'on me lise, je veux, comme tout le monde qui écrit, tu sais, je veux rejoindre un public. Puis j'ai un ton et j'ai un genre de personnage, tu sais. Puis ça, d'ailleurs, une autre analogie qu'on peut utiliser pour ça, là, Jean-François Mercier a son personnage du gros cave. Là, ben, j'allais Guillaume Wagner, entre autres, là, qui fait aussi un humour très engagé, mais très cinglant. Alors, vas-y, poursuis. Ouais, ben c'est ça. Jean-François Mercier a un personnage, tu sais, il utilise un personnage super grossier qu'on trouve aussi con que ce qu'il dénonce, parce qu'il dénonce des vraies affaires, là, tu sais, à la manière de Choix FM, mais avec un personnage qu'il faut mettre un bémol dessus, tu sais, lui, c'est un gros cave, justement, tandis qu'on dirait que Choix FM fait exactement la même affaire que le gros cave, sauf que on les prend pour des références, tu sais, pour certaines personnes. C'est ça qui me dépasse, là, un moment donné, tu sais, c'est leur propos est complètement débile, des fois, mais oh, ils sont cool. Non, ils sont pas cool, ils disent des propos débiles, 1 plus 1 égale 2, appelle ça comme tu veux, mais moi j'appelle ça un débile, là, tu sais, puis le ton que j'emploie là, c'est un peu le ton que j'emploie sur mon site, puis j'ai comme pas vraiment honte de faire ça, là, mais absolument pas. Très bien, là, donc toi tu dénonces la méthode, les méthodes de Jean-François Mercier, et voilà. Absolument pas, Jean-François Mercier, je l'adore, Jean-François okay. Mercier, c'est justement, il y a un deuxième degré là-dedans, là. C'est de l'humour, et je fais un peu ça moi aussi sur mon site, là, tu sais, faut comprendre ça, là. Il y a un deuxième degré, tu peux pas faire passer des propos. Je te donne un exemple, là. Écoute un gars le soir, là, quand il se met à varger ses matantes ou whatever, c'est de la généralisation abusive, exactement comme il y a à Choix, mais il y a un personnage de gros cave, puis il faut pas accorder de la valeur à propos un personnage de un gros cave, tu sais. Puis ça, je pense, c'est évident pour n'importe qui est capable de comprendre le deuxième degré là-dedans. Il y en a pas de deuxième degré à Choix, là. Okay. J'essaye souvent de faire passer ça. En tout cas. Julien. Oui. Oui, on parle de Jean-François Mercier. Je t'amène sur un autre de tes articles que tu as écrit, qui suit tout ce... C'est le précédent, je pense, de celui qui nous intéressait le plus sur Choix FM. Un truc que tu as écrit dernièrement, en fait. On parle d'humoriste Gab Roy, qui est blogueur aussi sur Internet. Et Gab Roy, mesdames et messieurs, c'est lui qui était sorti dans les médias. En tout cas, on l'avait vu à Dumont, qui s'était monté, qui avait appuyé la syndicalisation des couche-tards à Montréal. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Ça avait au début de l'automne ou à la fin de l'été, je pense, là. Bon, il y avait un mouvement, lui, il était sorti justement pour appeler à boycotter la slotch de couche-tard. Bon, évidemment, ça a été de très courte durée comme exposure. Alors, bon, est-ce que tu considères Gab Roy dans la même catégorie que Jean-François Mercier? Jean-François, absolument pas, là. C'est vraiment justement risque, Gab Roy. Pardon? Avant même de le considérer un peu dangereux, là, tu sais, je le trouve. Oh, Julien. Oui. Julien, on te perd beaucoup là au niveau des ondes. Est-ce que tu es en déplacement? Non. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est mieux, merci. OK. Alors, pour suivre, désolé les auditeurs. Donc, ce que je disais à propos de Gab Roy, c'est qu'avant même de le trouver un peu dangereux à la Choix FM, là, je le trouvais assez mauvais. Là, t'sais, fait que de l'appeler un humoriste, je pense que c'est pas le cas. Là. C'est un entertainer pour les 12 à 18 ans, selon moi. Là, t'sais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, justement, en plus de faire du matériel mauvais, puis avec un fanbase qui est pas nécessairement mature encore, tu commences à... T'sais, puis justement, là est la preuve qu'on a des gens bons à Montréal. Là, t'sais. Je pense que c'est pas à Gab Roy avec son ton excusez l'expression, de un peu un gros mongol, d'expliquer à nos jeunes c'est quoi le syndicalisme. Tu sais, je suis pas nécessairement plus suivi la patente là, par rapport à ça, mais ce qu'on reproche souvent à Gab Roy, c'est de faire passer un propos complètement débile en utilisant son personnage de gars cool, là, c'est-à-dire il n'y a pas de deuxième degré. Là. Tu sais, récemment, il écrivait un billet à propos du tuning d'automobile, là, comme quoi tout le monde qui modifiait son automobile était un pur débile. Puis, tu sais, tu vois le même genre de raccourci qu'on utilise à Choix. Puis ça me rend fou. Puis je pense que c'est évident dans mes écrits. Ça me fait chier. Puis pense que je le dis d'une manière peut-être un petit peu acerbe, peut-être un petit peu cynique, peut-être un petit peu vulgaire, mais au bout du compte, c'est ça qui est ça. Eh bien, Julien, écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est très gentil d'avoir pris quelques minutes pour discuter avec nous et nos auditeurs. Écoute, Julien, s'il y a des gens intéressés à te lire, on peut te lire sur laxedumad.com, c'est bien ça? Exactement, il y a la fanpage Facebook aussi. Très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, c'était un autre point de vue de ce qui se passe présentement, de la vision que les Montréalais peuvent avoir de la ville de Québec, de toute cette histoire de Choix FM. Alors, Julien, ben merci beaucoup. Qui sait, peut-être aurons-nous à recollaborer ensemble dans le cadre de la fausse patte. Donc, porte-toi bien et continue ton travail. OK, je te remercie beaucoup, Christian. À la prochaine. Salut. Alors, mesdames et messieurs, c'était une entrevue avec Julien D, blogueur sur Internet, membre du collectif L'Axe du MAD. Eh ben, c'est une autre forme d'éditorial qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici à la fausse patte. Ça fait changement. Un éditorial un peu plus acerbe, mais un peu plus sec. Eh ben, écoutez, mesdames et messieurs, toutes les formes d'idées sont bonnes, surtout si ça suscite les discussions. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet, n'est-ce pas? Pour ceux qui se joignent à nous, on discutait de cette polémique autour d'un article d'Olivier Niquet, du pornographe. De Montréal qui réagissait à une nouvelle comme quoi Choix FM voulait ouvrir Radio X, en fait voudrait ouvrir une franchise à Montréal, sur l'île de Montréal. Et ben sa réaction c'était: on ne veut pas des radios dites jambon à Montréal. Et Simon Jodoin, éditorialiste au Voir Montréal, également avait réagi. Julien D, le blogueur qu'on vient d'avoir, aussi a réagi. Et tout le monde s'entendait pour dénoncer justement la façon de faire et les propos tenus par cette station de radio. Donc ça faisait un peu le tour. On vous invite à lire ces articles sur Internet. Simon Jodoin, très facile à trouver. Vous tapez ça dans Google et ça se trouve rapidement. Sinon l'axe du MAD pour Julien D. Et tout ça sera disponible évidemment sur la page Facebook de La Fausse Patte. Nous, on va y aller en bloc pub, juste avant de changer complètement de sujet. À l'automne, à la fin de l'automne, mesdames et messieurs, les conservateurs de Stephen Harper, toujours oui, encore eux, aux communes, ont frappé un très grand coup. Ça faisait très longtemps qu'ils en parlaient, lorsqu'ils étaient minoritaires. Ils en ont profité avec leur nouvelle majorité pour rapidement faire passer ce projet de loi-là. C'est le projet C10 sur tout ce qui est la justice, la sécurité publique. On va mélanger à ça aussi le registre des armes d'épaule. Et on va démêler tout ça avec à nouveau notre juriste spécialiste en droit constitutionnel, Félix-Antoine Michaud, qui est aussi prof à l'Université Laval, avec qui on va parler au retour de la pause. Et il y a une députée à Ottawa du Bloc québécois qui a fait grande croisade contre ce projet de loi-là, Marion Mourani, et on l'aura en clôture d'émission. Pour l'instant, ben, bloc pub, et on vous revient dans à peu près une douzaine de minutes. Elle est là, la poule aux œufs d'or. Vous pourriez gagner des autocaravanes, des voyages, des pavillons outdooring, des voitures sport et plusieurs autres lots avec la poule aux œufs d'or, spécial gala édition soleil. Procurez-vous votre billet avant samedi pour courir la chance d'aller à la télé. Tirage le 26 février au grand gala sur les ondes de TVA. Elle a la poule aux œufs d'or. La poule spécial gala édition soleil. Signez toujours votre billet. Vous aspirez à une carrière artistique? Vous cherchez une école pour apprendre la musique ou le théâtre avec des professeurs de grand talent? Entrez en scène au Conservatoire. Cette école forme les artistes qui donnent à la scène musicale, théâtrale et cinématographique une vitalité exceptionnelle et une renommée internationale. Instrumentiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, metteur en scène, comédien, scénographe, si ces métiers vous intéressent, inscrivez-vous avant le 1er mars. Le Conservatoire vous offre même de devenir élève d'un jour. www.conservatoire.gouv.qc.ca. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. image qui tient. Une image floue, c'est comme qui dirait dur à dire. Profond malaise, on est 7 millions à sentir. Une impression, les mains liées dedans le dos. Une impression, marcher tout droit vers l'échafaud. Faut se parler pour de bon. Si on veut la même vision, on range nos vieux canons. On pose la vraie question. On peut-tu avoir du fun? Comme disait Madame Brière, on a tous nos petites misères. Pas besoin de tout voir en noir. La lune est si belle à soi. Maintenant nous voici avec la plume de plume. La langue de Monsieur Tremblay a des mots qui fument. Cool. Y'a quoi de bon si t'es prêt? Il fait chaud sur nos frettes. La vie c'est cool au Québec. Si t'es prêt, il fait chaud sur nos frettes. Si t'es prêt, y'a pas de bon. Si t'es prêt, il fait chaud sur nos frettes. La vie c'est cool au Québec. Y'a pas de bon. Si t'es prêt, il fait chaud sur nos frettes. Si t'es prêt. We'll be right back. franc carotté bleu, pas des mémets. Un genre de bleu poudre qu'on ne voit pas deux fois dans une vie, en guigui. Rambo, y'a ben une franc carotté bleu, pas des mémets. Un genre de bleu poudre qu'on ne voit pas deux fois dans une vie, en guigui. Mais Pétouffe est un amour. Hein? Ben oui. Puis là, c'est l'autre l'a trompé, puis les fait jouer, il a dit on est fait l'un pour l'autre, toi et moi pour la vie. Il est malheureux. 89.1. C'est KRL. Comme le dit la petite annonce, vous êtes à CKRL. À Québec. À Québec. La fausse patte toujours en onde, deuxième heure enclenchée à partir de maintenant. Eh bien, on a parlé de ce tollé, pour ceux qui se joignent à nous, du qualificatif qu'a donné Olivier Niquet du spornographe à Choix FM, c'est-à-dire les animateurs Jambon. Simon Jodoin du Voir Montréal en a rajouté, on y a parlé tout à l'heure en ouverture. Et Julien D aussi est venu mettre son grain de sel. Julien D qui est blogueur sur l'axe du MAD et qui avait lui aussi réagi là-dessus et qui a eu des propos, moi, qui m'avait fait aussi réagir, donc on en a discuté. On change de sujet complètement. On va s'attaquer à un point chaud de l'actualité, en fait, qui a fait beaucoup de bruit, à l'automne. C'est le projet de loi C10. Et pour élucider tout ça, ben, on va rejoindre notre chroniqueur juridique et constitutionnel, Félix-Antoine Michaud. Salut, Félix-Antoine. Bonjour, Christian. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Très bien, merci. Je suis en pause dans un de mes cours, donc mes étudiants sont contents. Ils ont eu leur pause devancée, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. Ah, excellent. Ben merci. Écoute, j'espère qu'ils sauront écouter peut-être la chronique à question, que ça leur serve aussi d'exemple. Écoute, François, un gros merci, Félix-Antoine, de faire des pieds et des mains pour être avec nous aujourd'hui. J'aime toujours ça participer à votre émission. Voilà, ben écoute, c'est la première fois qu'on a un collaborateur pour une troisième fois, alors c'est une première. Merci beaucoup. Merci, Christian. Donc, grosso modo, Félix-Antoine, vu qu'on a, à peu près un 10-12 minutes, le projet de loi C10, c'est quoi ça précisément? En quoi ça consiste précisément dans une première partie? Là? Premièrement, c'est sûr que le projet de loi C10, c'est une modification d'importance du code criminel. Et pourquoi ça fait autant jaser? C'est que c'est un bill omnibus. C'est-à-dire que c'est une loi qui modifie plusieurs parties du code criminel, plusieurs éléments du code criminel. Donc, on a été souvent habitués dans le passé à des modifications du code criminel. Il y en a eu quand même quelques-unes, même depuis que les conservateurs sont là. En 2006, par exemple, le Parti conservateur avait augmenté l'âge légal du consentement sexuel. Donc, pour avoir le droit d'avoir une relation sexuelle, c'était 14 ans. Les conservateurs ont monté ça à 16 ans. Mais c'était précis sur cet aspect-là. La loi C10, c'est un bill omnibus, donc, qui est venu modifier plusieurs éléments du code criminel, et au lieu de les faire voter un par un, donc on a un vote pour chacune de ces modifications-là, qu'on a une commission parlementaire, donc un comité au fédéral, excusez-moi, donc une commission parlementaire au provincial, mais un comité parlementaire qui allait étudier précisément la question, les conservateurs ont mis toutes les modifications dans une seule et unique même loi, puis on se dit, vous devez appuyer tout, ou voter contre tout, en bloc. Wow. Donc, il y a certains éléments, par exemple, du bill omnibus qui visait un certain consensus, donc augmenter, par exemple, les peines pour les criminels à cravate, ce genre d'éléments-là, ou pour les crimes graves, donc de mettre des peines minimales un peu plus élevées. Mais il y a d'autres éléments qui faisaient beaucoup moins consensus par rapport à la manière dont on traite les jeunes contrevenants et certaines peines minimales pour des crimes qui sont moins graves. Donc, l'enjeu ici, c'était de mettre tous les éléments en un seul unique bloc et de dire aux partis, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez voter contre tout. Et après ça, la stratégie conservatrice était la suivante. Ils prenaient un élément consensuel, puis ils disaient, voyez-vous, les partis d'opposition sont en désaccord avec ça. Ils votent contre le projet de loi. Les partis d'opposition tentaient tant bien que mal, de l'expliquer en disant, non, on n'est pas contre certains éléments, mais pourquoi faire un bill omnibus? Pourquoi vouloir faire passer toutes vos mesures de rigidité en matière criminelle en un seul bloc? Très bien. Et dans l'actualité, on a vu le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, cette fameuse phrase. Ben oui, il y a des Maxime Bernier qui lui dit, ben ça va être comme ça, puis c'est tout. Et puis Jean-Marc Fournier de dire, il y a des gens un jour qui ont cru que la Terre était plate. Donc, et en quoi ça vient interférer? En fait, il y a deux choses. Le gouvernement du Québec s'objecte pour plein d'affaires. J'aimerais ça qu'on démystifie tout ça, Félix-Antoine, s'il te plaît. Bon, tout d'abord, là, le code criminel est de compétence fédérale. Donc, en 1867, lorsqu'on partage les compétences législatives, on a donné le code criminel au fédéral. Contrairement, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, le code criminel, chacun des États a une certaine latitude en matière de droit criminel. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que la peine de mort est permise dans certains États, et dans d'autres États, la peine de mort n'est pas permise. Parce qu'au Canada, par exemple, le code criminel, et si vous me permettez cette expression si chère aux Canadiens anglais, elle est coast to coast. Donc, s'il y a une modification du code criminel, ben, elle s'applique à toutes les provinces, et si lorsque la peine de mort a été abolie, ben, elle a été abolie partout, contrairement aux États-Unis, par exemple, où le Texas, la Floride, encore la peine de mort, tandis que, par exemple, l'État de New York, le Massachusetts, n'ont plus la peine de mort. Donc, au Canada, c'est le fédéral et non les entités fédérées qui ont le pouvoir de modifier le code criminel. Donc, le Parti conservateur, le gouvernement canadien là-dedans, ne s'immisce d'aucune façon dans les compétences provinciales. Cela étant dit, il y a certaines personnes, dont Marion Mourani, qui a proposé de repatrier le code criminel dans les provinces. Donc ça serait une possibilité, mais c'est sûr qu'il y a divers enjeux. Est-ce que si on veut repatrier le code criminel au Québec, ce serait une modification constitutionnelle du partage des compétences. Là, ça l'emmène un mécanisme assez complexe, mais grosso modo, il faudrait l'accord de 7 provinces sur 10, représentant 50% de la population. Il faudrait entreprendre des rondes constitutionnelles assez importantes pour repatrier le code criminel. Donc, s'il y a un enjeu, puis il y a un élément d'opportunité politique qui devrait être choisi par les acteurs politiques qui veulent le repatrier, puisque ça ne peut pas se faire unilatéralement. La Constitution prévoit clairement un mécanisme, un processus pour repatrier ça. Donc, Jean-Marc Fournier, lorsqu'il mène le combat, tout d'abord, Jean-Marc Fournier mène le combat parce qu'il voulait aller plaider de ne pas le modifier de cette façon-là, le code criminel. Il est juste un peu comme un lobby, comme la personne qui allait défendre les intérêts du Québec par rapport au code criminel, de dire que nous, ici au Québec, on a une autre manière, on a une autre perception de la criminalité, on a une autre manière d'entrevoir la chose criminelle. Donc, c'est une des premières choses qu'il a fait. Et deuxièmement, en deuxième partie, Jean-Marc Fournier, ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait que le Parlement canadien peut-être mettre des possibilités d'ouverture envers le Québec pour laisser au Québec une possibilité, là, de, même s'il modifie le code criminel, de mettre des exemptions pour le Québec. Mais tout ce que peut faire M. Fournier par rapport à ça, c'est de la représentation. D'accord. Puisque au niveau pratico-pratique, au niveau juridique, les Canadiens sont en droit de vouloir durcir leur politique, malgré la frustration que ça crée au Québec. OK. Et deux choses l'une. Là, on parle aussi des modifications, on parle beaucoup de la méthode québécoise en ce qui concerne la réhabilitation des criminels, et ça va contrecarrer cette fameuse méthode-là qui a fait ses preuves. De quelle façon ça va jouer dans nos plates-bandes? Bien, c'est que le Québec avait une vision de la criminalité, une manière d'entrevoir la réhabilitation, et la modification là, au code criminel fait en sorte que les juges ont beaucoup moins de latitude pour donner des peines minimales, donner des peines dans la collectivité, donc au lieu d'envoyer des gens en prison, de trouver des mécanismes de réinsertion sociale, des mécanismes qui permettent à des gens au lieu de faire un passage en prison, qu'ils puissent avoir accès à des ressources qui leur permettraient de ne pas s'engager dans un processus de criminalité. D'ailleurs, ça a quand même fait les manchettes il y a quelques temps, mais la méthode qu'entend proposer les conservateurs a été décriée même par certains juristes et certains experts en matière de criminalité au Texas. En mettant des peines minimales, dans le code criminel, on enlève beaucoup de latitude au juge. Donc, on fait de moins en moins confiance à la personne qui est devant tous les faits. Et devant un crime peut avoir différentes intensités, différents niveaux. Et en décidant que le juge n'a pas d'autre choix que de condamner la personne à tant d'années de prison, bien évidemment, tous les programmes de réhabilitation qui sont montés au Québec perdent un peu leur sens, puisque le juge ne pourra pas les envoyer vers ces programmes-là, devra les condamner automatiquement, puisque le code criminel sera modifié et le juge n'aura plus la latitude, la possibilité de modifier ça. Mais je le répète, et ça, je pense que c'est important, si les Canadiens ont fait le choix d'élire les conservateurs, et les conservateurs sont constitutionnellement dans leur droit de faire ça. Et ça, c'est un aspect qu'on doit prendre en compte. Très bien, oui, et à ce moment-là, au niveau du registre des armes d'épaule, il y a aussi un enjeu qui a été très, très important là, à l'automne dans cet épisode-là. Et qu'est-ce qu'on réclame du côté de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui se passe avec ce registre-là et qu'est-ce qu'on réclame du côté de l'Assemblée nationale? C'est en deux étapes là aussi. La première étape, le gouvernement du Québec a aussi fait des représentations en disant « ça n'a aucun bon sens que vous abolissiez ça ». D'ailleurs, il faut se rappeler que le registre des armes à feu, le registre des armes d'épaule a été créé suite au massacre de la Polytechnique. Suite à la tuerie de la Polytechnique, un drame québécois, un seul québécois, et c'est suite à ça que le registre des armes à feu a été créé. Donc, les conservateurs, donc au Québec, on a une sensibilité plus importantes, selon moi, sur ce registre-là, parce que historiquement, c'est ici qu'on l'a vécu, c'est ici que le drame s'est vécu, premier élément. Donc, la première demande du Québec, c'était de le préserver. D'ailleurs, l'ensemble des corps policiers demandaient de le préserver. Il est utilisé de nombreuses fois. On ne refera pas le débat ici au complet. Mais tout de même, on peut garder en tête que il y a une sensibilité importante au Québec par rapport à ça. Donc, en premier lieu, le gouvernement du Québec a tenté de le préserver. Et en second lieu, une fois que les conservateurs ont pris la décision de l'éliminer, le Québec a dit, bon, ben vous, vous voulez plus avoir de registre des armes à feu. Bon, vous prenez cette décision-là, mais tous les données que vous avez ramassées par rapport aux armes à feu et aux personnes qui possèdent des armes à feu au Québec, ben, donnez-nous ces données-là, parce que nous, on va en faire un registre. Vous avez déjà les données. Et compiler ces données-là et construire ce registre-là a coûté, ça a été un scandale financier libéral extrêmement important. Ça l'a coûté extrêmement cher. Donc, on dit pourquoi gaspiller tout cet argent-là? Si tant que l'argent a été dépensé, donnez-nous les données et nous, au Québec, on fera notre registre des armes à feu. Et là, Maxime Bernier, le député qui fait être ministre en Beauce, qui est redevenu ministre en Beauce, lui a dit non, on avait dit qu'on abolissait le registre, donc on abolit aussi les données. Donc le Québec tente, tant bien que mal, de récupérer les données pour reconstruire un registre des armes à feu au Québec. Et la réponse du gouvernement conservateur, ben, c'est recommencer tout le processus, repayer une facture, repayer en double. Nous, on vous donne pas les données. Donc on peut se demander là, qu'est-ce qui est à la genèse d'une décision comme ça, si ce n'est pas là, une question purement idéologique. Là. Ce qui est, si je ne m'abuse, Félix-Antoine, c'est un peu ironique parce que ce projet de loi-là a été adopté finalement à la Chambre des communes le jour même où on faisait... Est-ce que c'est moi qui se trompe ou c'est le jour même où on commémorait ce fameux massacre de la Polytechnique? Oui, on était exactement là, dans les jours là, qui suivaient ou les jours qui précédaient. On était en tout cas dans le temps des commémorations et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, un député conservateur d'arrière-ban qui avait de manière disgracieuse et vraiment peu élégante, simuler là, une personne qui tire du fusil avec ses mains, en voulant dire qu'il avait comme tué l'opposition, qu'il avait vaincu l'opposition. Donc, et les beaucoup de survivants de la Polytechnique étaient présents dans les tribunes de la Chambre des communes pour assister à la mort de ce qu'eux-mêmes avaient réclamé. Et ce qui est encore peut-être plus, en tout cas, autant ou sinon plus ironique, c'est que le sénateur conservateur Pierre-Yves Boisvenu, qui se dit le défenseur des victimes, qui se dit le porte-parole des victimes, bizarrement, dans ce dossier-là, n'écoutait pas les victimes de la Polytechnique. Donc, on peut se permettre de douter un peu de... On peut peut-être se permettre de douter un peu de sa crédibilité lorsqu'il dit qu'il parle au nom des victimes. Donc, il parle au nom des victimes autre qu'à c'est un projet de loi conservateur qui va aller en compte de ce que les victimes demandent. Puisque dans ce dossier-là, c'était unanime. Mais en fait, ça sent... puis bon, c'est dur de y en vouloir. Là. On sait que pour faire une histoire courte, ce sénateur Boisvenu-là, sa fille a été assassinée. Oui. On parle de Julie Boisvenu, c'est bien ça? Exactement. C'est une histoire qui a fait... Bon, écoutez, une histoire d'horreur, évidemment. Et ce monsieur-là a lancé aussi un organisme qui réunit justement les familles de ces victimes-là. Et ça sent la vengeance, en fait, beaucoup plus qu'autre chose. C'est difficile d'y en vouloir, mais ce que lui porte là-dedans, dans ce projet-là, et ça va être la conclusion de la chronique, Félix-Antoine, c'est que finalement, les conservateurs, eux, c'est plus de la répression que de la prévention, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir les prisons maintenant. Ben, c'est beaucoup plus de répression que de prévention, et c'est aussi idéologique. Et ça, il y a de quoi là, d'important. Dans la loi C-10, il y a des experts, il y a des criminologues, il y a des gens qui ont étudié là-dedans, qui sont venus dire que ce n'est pas la bonne méthode, et les conservateurs ont répondu en disant que ce n'était pas les experts étaient la population. Donc ici, non seulement c'est plus de la répression que de la réhabilitation, mais en plus on tombe dans une dynamique idéologique et on laisse tomber les scientifiques, donc ça c'est extrêmement grave. Très bien. Alors évidemment, on va suivre ça. On va suivre ça de façon très très intéressée et très pointue. Voilà, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une dernière chose, je comprends bien finalement en bout de ligne, c'est que les contrevenants, peu importe le crime qu'ils ont fait, peu importe l'âge qu'ils ont, vont tout simplement être envoyés en détention. Et lors de cette détention-là, il y aura pas de si peu de programmes de réhabilitation, de rééducation, tout ça. Ils vont être relâchés après ça dans les. Ben, je veux que là, ça sera dans ces détails-là, je ne suis pas extrêmement au fait, là, mais il y aura peut-être quand même des problèmes, mais c'est vraiment, comme je vous disais, répression au lieu de réhabilitation et idéologie au lieu de science. Très bien. Félix-Antoine Michaud, encore une fois, extrêmement intéressant. Merci beaucoup de cet éclairage nouveau, en fait, d'avoir démêlé tout ça avec nous, en espérant que nos auditeurs, maintenant, ont une meilleure idée de ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, bonne fin de cours. Merci. Toujours un plaisir. Alors, on se parle bientôt sur d'autres sujets. C'est sûr qu'on va avoir affaire avec vous à nouveau. Donc, voilà, Félix-Antoine Michaud, qui est un chroniqueur habitué maintenant à la Fausse Patte, avocat, membre du Barreau du Québec, spécialiste en droit constitutionnel, chargé de cours également à l'Université Laval. Eh bien, on parlait de ce fameux projet de loi C10, du registre des armes d'épaule et tout ça. Ça fait, c'est une grosse controverse qu'il y a eu, en fait, un gros débat qu'il y a eu sur, à la Chambre des communes. Eh bien, voilà, encore une fois, c'est les valeurs du Québec. C'est un peu ce qui se passe depuis l'élection majoritaire des conservateurs, la disparition du Bloc québécois et l'arrivée du NPD à l'opposition officielle. Je vous rappelle que là, aux communes à Ottawa, notre parti au pouvoir gouverne avec seulement 39% des suffrages. C'est un peu le grand défaut du parlementarisme britannique dans lequel on baigne depuis toujours. Et bien, justement, face à ces opposants qui ont travaillé justement pour faire valoir les points contre l'adoption de ce projet de loi-là, et bien, on va parler avec la députée du Bloc québécois qui est en charge de ce dossier, Mme Maria Mourani, tout de suite après la pause. Bloc pub, évidemment, et ensuite de ça, en musique, on va entendre du Yann Perrault et Yves Lambert. Vous aspirez à une carrière artistique? Vous cherchez une école pour apprendre la musique ou le théâtre avec des professeurs de grand talent? Entrez en scène au Conservatoire. Cette école forme les artistes qui donnent à la scène musicale, théâtrale et cinématographique une vitalité exceptionnelle et une renommée internationale. Instrumentiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, metteur en scène, comédien, scénographe, si ces métiers vous intéressent, inscrivez-vous avant le 1er mars. Le Conservatoire vous offre même de devenir élève d'un jour. www.conservatoire.gouv.qc.ca. Ne dites pas « j'ai envie de baiser ». Dites plutôt « je suis un peu nerveuse ». Ne dites pas « j'ai 12 godemichés dans mon tiroir ». Dites plutôt « je ne m'ennuie jamais toute seule ». Le Théâtre des À-Côtés présente, en collaboration avec le Studio P et la boutique Lilove, « Chut, compte sexy ». Un spectacle événement coquin, humoristique et très sexy. Au Studio P, du 8 au 12 février. Préliminaire dès 19h. Information réservation 418 523 48 45 ou théâtredesacôtés.com. Les productions Recto Verso vous convient à la 13e édition du Mois Multi. Plus de 50 artistes du Québec et de l'étranger sont attendus pour vous faire vivre des expériences inédites. Spectacles, performances multidisciplinaires, installations sonores et lumineuses, dispositifs robotiques, cabaret audio, œuvres interactives, le volet spécial Les Nuits numériques, ateliers, rencontres avec les artistes et bien plus à la coopérative Méduse du 1er au 29 février 2012. Pour découvrir les nouvelles formes artistiques issues des arts multidisciplinaires et des arts électroniques, moimulti.org. Mercredi 19h30, c'est l'heure H, celle d'Hubert Tremblay. Musique naïve ou raffinée, le folk dans tous ses états. Seulement au 89.1. Pourquoi changer tout le temps? Le déodorant, la pâte à dents, changer pour faire changement, ça sert à qui, ça? On s'en sort pas. Il faut changer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Docile par habitude. Va-t-on subir silencieusement l'omniprésence de cette triste rectitude? Il faisait beau cet après-midi-là. Je me balançais dans ma tête de petit enfant, respirant profondément, rassuré que dans le tas, il y a des choses qui changent pas. L'Opineur du Chef est diffusé tous les jeudis soirs entre 20h et 22h sur CKRL. La vie en pleine guerre t'a conduite à être l'amour du soldat. Viens près de moi, guerrière. Viens boire sur mon cœur la rosée rouge. Je suis là pour toi, guerrière. Je te dois une fière chandelle d'éclairer ma terre, d'adoucir mon ciel. et danse ta danse. Soleil de sexe et de mystère, je vole ton vol et danse ta danse. Ta force éveille la mienne. Je dormais au gaz, courais les bordels. Tu apprivoises mes peurs chiennes. Je suis un privilégié. C'est pourquoi on a appelé ce spectacle Perrault et la Lune. C'est pour dévoiler un grand secret que j'ai gardé. Je deviens jaloux, possessif. Un peu comme toi, là. Non, je sais parce que tantôt, sa blonde me faisait de l'œil. Puis de l'autre. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 418-647-2972. Visitez notre page Facebook. Elle est là, elle est là, la poule aux œufs d'or. Oui, elle est là, la poule aux œufs d'or spéciale gala édition soleil. Vous pourriez gagner des autocaravanes, des voyages, des pavillons outdooring, des voitures sport et plusieurs autres lots. Vous pourriez aussi vous retrouver à la télé et courir la chance de gagner un demi-million de dollars lors du grand gala au réseau TVA le 26 février prochain. Elle est là, la poule aux œufs d'or. La poule spéciale gala édition soleil. La loterie, c'est pour adultes seulement. Tous les jours de la semaine, de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Le Continental, l'émission du matin de CKRL. Un déjeuner en forme de buffet informatif et culturel porté par les rythmes tonifiants de la meilleure musique urbaine francophone, de l'inédit et de la fraîcheur, comme à la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli, c'est près de 40 variétés de pain artisanal, un choix de salades, sandwichs et pizzas cuites au four à bois, ainsi que des produits uniques. Sans oublier notre gamme de desserts pour tous les palais, le tout pour apporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 418-977-7571. Les mercredis, 22h30, suivez Benoît Arcand dans sa visite des mélodies actuelles, son exploration de la sphère musicale. C'est un zou la nuit. Seulement au 89.1. Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science, le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. jeudi 17h30. C'est KRL 89.1. There's a funky reggae party tonight. Québec. Donc, de retour sur les ondes de CKRL 89.1 sur l'émission La Fausse Patte. Eh bien, juste avant la pause, on avait monsieur, notre ami Félix-Antoine Michaud, qui nous racontait, qui nous expliquait un peu grosso modo à quoi consistait toute cette histoire de la loi C10, le registre des armes et des pôles, et pourquoi ça avait fait tant polémique au Québec. Et encore une fois, c'est une preuve qu'il y a un grand bras de fer qui se joue entre les politiciens d'Ottawa et les politiciens de Québec. Eh bien, en ondes, on a avec nous une femme qui s'est beaucoup impliquée dans ce projet-là, qui s'est objectée évidemment avec l'adoption de cette loi Omnibus. Elle est députée d'UNSIC pour le Bloc québécois depuis 2006. C'est Maria Mourani, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Madame Mourani, merci beaucoup de prendre quelques minutes de votre horaire chargé pour nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc Madame Mourani, écoutez, grosso modo, si vous pouviez nous faire un bref petit résumé de votre quête à travers tout ça, cette croisade que vous menez là, contre le projet. D'ailleurs, c'est un projet qui est sur la table depuis longtemps de la part des conservateurs. Oui, en fait, je vous dirais, ce projet de loi, comme on l'appelle Omnibus, c'est parce qu'il ramasse en fait plusieurs projets de loi que les conservateurs avaient commencé à présenter depuis 2006, et compte tenu qu'ils étaient minoritaires, ils n'arrivaient pas à les faire passer. Maintenant qu'ils sont majoritaires, ils ont pris tous ces projets de loi-là et puis ils en ont fait un seul. Et ils ont un petit peu, comment je pourrais résumer ça, ils ont mis dans ce projet de loi-là toutes les absurdités, toutes les changements au code criminel que, bon, non seulement nous, on trouvait ça complètement aberrant, mais aussi beaucoup d'experts qui sont venus témoigner pendant des années, hein, depuis 2006, qui sont venus témoigner avec des recherches à l'appui, que cette façon de gérer, si vous voulez, de lutter contre la criminalité ou de gérer la criminalité n'était pas efficace. Alors, notamment, concernant la loi sur les jeunes contrevenants, on sait qu'au Québec, en plus, on a l'un des meilleurs taux de réussite, c'est au Québec. Et notre façon de faire est reconnue, même, je vous dirais, mondialement. Moi, je me rappelle, quand je travaillais dans les centres jeunesse, les gens venaient d'un peu partout dans le monde pour voir comment on travaillait avec les jeunes au Québec. Et la façon de faire québécoise, c'est de dire, on va prendre le jeune, quel que soit le délit qu'il a commis dans sa globalité, et on va voir quelles sont ses forces de réinsertion, quelle est la raison aussi, pourquoi il a commis ce délit-là, parce qu'on s'entend, un meurtre, prenons le pire des délits, le meurtre, c'est pas pareil, un jeune qui... exemple, donne 45 coups de couteau à son père qu'il a abusé pendant des années depuis sa plus tendre enfance, qu'un jeune qui sort à la sortie d'un bar et lors d'une bagarre en vient à blesser ou à tuer une autre personne. Vous voyez, chaque meurtre peut être différent dépendamment de la circonstance. Puis au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on non seulement on regarde qu'est-ce qui sous-tend le crime qui a été commis, mais aussi qui est la personne qui l'a commis, quelles sont ses forces de réinsertion, qu'est-ce qui motive tout ça avant de prendre un jugement, avant de mettre une sentence à ce jeune-là. Donc, ce que les conservateurs vont faire avec ce projet de loi-là, c'est qu'ils vont un petit peu effacer tout ça, et tout ce qu'on va regarder, c'est le délit. Est-ce que, un peu comme on le fait avec les adultes, donc on regarde le délit et on dit, bon, mais tu vas prendre tant ou tant d'années suivant le délit que tu as commis, parce qu'on a une pensée non pas de réinsertion sociale, surtout chez les jeunes, mais plutôt une pensée de punition. Et puis ça marche pas chez les jeunes, parce que le développement même intellectuel des jeunes et moral n'est pas encore arrivé à maturation. C'est pas des adultes, c'est des mineurs. Ils n'ont pas encore, ils sont pas encore développés au niveau psychologique totalement. Ils sont pas arrivés à maturité, si vous voulez. Donc on peut pas les juger comme des adultes. Et ça, dans ce projet de loi-là, on voit que le gouvernement, ce qu'il cherche à faire, c'est de criminaliser davantage les jeunes. Et toutes les recherches qui ont été faites sur la criminalisation des jeunes ont démontré que plus un jeune va rester longtemps dans des centres d'incarcération, ou plus il va passer par le système de justice, plus on va le retrouver à l'âge adulte dans des prisons provinciales ou fédérales. Donc ça sert absolument à rien, ça sert à criminaliser et non pas à aider les jeunes à se réinsérer. Ça c'est un des éléments de la loi, parce que vous avez plein d'autres éléments, des peines minimales partout, puis on sait très bien que les peines minimales, ça fonctionne pas. D'autre part, ils veulent enlever ce qu'on appelle actuellement le pardon, ok? Ils veulent faire un peu comme on fait aux États-Unis actuellement, si t'as commis 3 délits, ben t'as plus le droit au pardon. Toute ta vie. D'accord, mais le pardon, madame, juste pour spécifier, Mme Mourani, c'est que, par exemple, quand ça fait, je crois que c'est 10 ans maintenant, que t'as commis, t'étais reconnu coupable de quelque chose, tu as le droit d'aller devant la cour et de demander le pardon. Ça veut dire que l'accusation est complètement effacée de votre dossier, c'est bien de notre dossier, c'est ça? Bon, en fait, lorsque vous commettez un acte criminel, on vous donne une sentence, par exemple, de 5 ans, de 2 ans, de 1 an, avec une possibilité de demander, après un certain nombre de temps, sans avoir commis un acte criminel, de pouvoir demander, alors c'est une demande qui se fait à la commission des libérations conditionnelles, de pouvoir demander un retrait, c'est pas un effacement, c'est un retrait de votre dossier criminel de la base de données générale. D'accord. Donc le casier judiciaire est suspendu. D'accord. Ce qui veut dire que si vous commettez un autre acte criminel, quel qu'il soit, même, je vous donne un exemple, même l'alcool au volant, ok, puis que ça vous donne une charge criminelle, ben votre dossier revient. Il est comme ramené dans la base de données générale où la police a juste à pitonner sur leur ordinateur, puis ils voient que vous avez un casier judiciaire. Lorsque vous avez une suspension de casier judiciaire, donc vous êtes réhabilité, vous pouvez, par exemple, voyager, mais par contre, je vous donne un autre exemple. Aux États-Unis, même si vous êtes réhabilité, qu'il y a une suspension de casier judiciaire, aux États-Unis, ils ne le reconnaissent pas. Donc, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, par exemple. Mais il y a d'autres pays où ils le reconnaissent. Donc, la conséquence de ça, et puis je vais vous montrer comment c'est une aberration. Par exemple, vous avez 18 ans, vous vous battez à la sortie d'un bar, on vous arrête pour voie de fait. Durant la même arrestation, je sais pas moi, on vous a, vous êtes comme on dit, vous êtes dans une mauvaise passe là. Vous êtes jeune, 18 ans, mauvaise passe. Vous faites plusieurs petits délits en même pas un mois ou deux. Ben parce que vous en avez fait 3. Même si dans 2 ans, dans 3 ans, vous êtes calmé, vous êtes retourné à l'université, je sais pas, vous avez recommencé vos études, vous êtes battu, cégep, université, vous avez la possibilité de vous réinsérer, vous êtes marié, vous avez des enfants, ben toute votre vie, vous êtes pogné avec ce casier judiciaire-là parce que vous avez fait des erreurs dans votre jeunesse. Ça veut dire quoi concrètement? Difficulté à se trouver du travail. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, de plus en plus d'entreprises qui demandent une vérification de casier judiciaire. Et deuxièmement, vous ne pouvez plus voyager comme avant. Il y a des pays qui vont vous refuser des visas ou carrément de pouvoir traverser les frontières avec les États-Unis. Donc si vous travaillez, si vous faites carrière, par exemple, dans un métier qui nécessite des voyages, ben, oubliez ça, vous ne pourrez jamais le faire de votre vie. Puis en plus de ça, le message que ça donne aux jeunes, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien de se réhabiliter, vous ne serez jamais pardonné. OK. Madame Mourani, si on poursuit aussi dans cette réflexion-là, dans l'analyse du dossier, donc je comprends bien, c'est quoi l'argument, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi l'argument des conservateurs pour passer d'un préventif à un punitif? Est-ce qu'il y a, je connais pas les détails, mais est-ce qu'un argument économique qui était apporté, parce qu'ouvrir des places en prison, ça coûte quand même, c'est assez dispendieux. Donc, c'est quoi l'argument qui... C'est ça qui est triste dans ce dossier-là, c'est que c'est purement idéologique. Okay. C'est même pas criminologique, parce que s'il y avait eu des données criminologiques qui démontraient qu'on avait un taux de criminalité élevé au Québec et au Canada, que les crimes de violence étaient en augmentation, que nos rues ressemblaient qu'on se retrouve dans les rues de Bagdad, que vous comprenez ce que je veux dire? S'il y avait des faits scientifiques pour démontrer une espèce de, que je dirais, un resserrement, même quant à moi, les lois déjà sont très efficaces, un resserrement de manière majeure de certains délits, et j'aurais pu comprendre. Mais c'est pas le cas. ce n'est pas le cas du tout d'une part. D'autre part, on se rend compte que ce qui est important actuellement dans toute cette lutte à la criminalité, c'est pas le fait d'avoir des sentences plus sévères, c'est d'avoir des sentences qui sont appliquées. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait réagir la population, et puis je les comprends parfaitement, c'est que quelqu'un qui pogne 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben ne fait pas son temps. Donc les gens réagissent et se disent, mais ça n'a pas de bon sens, il a eu 7 ans et il a à peine fait 2 ans. Et oui, sur l'application des sentences, il y a des choses qui doivent être vues et revues. Puis sur ça, nous, au Bloc, on est d'accord. D'ailleurs, dans le projet de loi, il y a certains éléments qui touchent la sentence, l'application de la sentence, auxquels on est d'accord. Ou, par exemple, actuellement, dans le système de gestion des détenus, les victimes sont plus ou moins impliquées là-dedans. Puis nous, dans le projet de loi C10, il y a une partie qui dit que, bon, les victimes seront plus impliquées dans la gestion des détenus. Puis ça, on est d'accord. Donc, vous voyez, dans le projet de loi, il y a des choses qui sont intéressantes auxquelles on a toujours été d'accord. Mais ce qu'on dit au gouvernement conservateur, c'est pourquoi vous mettez quelques bonnes choses dans un gros panier de pommes pourrites? Ben, en fait, c'est une façon de faire passer. C'est peut-être une façon de faire passer, justement, ces morceaux plus pointus-là. Tout à fait. Et faire porter l'odieux à l'opposition. De ne pas avoir appuyé la loi. Exactement. Puis, en plus de ça, ce qui est dommage, c'est que ces lois-là, ce projet de loi-là, est un projet de loi fédéral, parce qu'il touche le code criminel, mais l'application de la loi va directement tomber dans la cour des provinces. Ce qui veut dire que qui va payer pour cette loi, c'est les provinces. Les prisons qui vont être ajoutées, les places dans les centres jeunesse qui vont être ajoutées dans le côté de la division des jeunes délinquants, parce que ça va pas être pour les jeunes en protection, mais plutôt en délinquance, tout ça, ça va coûter de l'argent. Donc, au lieu qu'on investit en prévention, en éducation, en santé, dans les programmes sociaux, ben non, on va investir dans des prisons. Et le plus bel exemple d'un échec, c'est aux États-Unis, et même les Américains nous disent, il y a eu un article qui était sorti l'année dernière qui disait, faites pas la même erreur que nous, remplissez pas vos prisons parce que maintenant ils sont rendus à les mettre dehors, pour rien. D'accord. Donc ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, ce n'est pas basé sur une analyse d'experts. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec l'a très bien dit au comité de la sécurité publique à Ottawa. Il dit, donnez-nous des faits, donnez-nous des chiffres, donnez-nous des recherches qui démontrent que vous avez raison, et puis on va être avec vous. Mais il n'y en a aucune. Et la technique de ce gouvernement, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Ils prennent un cas qui est un cas abominable, par exemple, et là, ils vont dire, bon, ben par exemple, sur le joueur de hockey, là, dont j'ai oublié le nom, qui s'est fait abuser par son entraîneur, alors on prend un cas immoral, ou bien Carla Homolka, donc les pires cas, et là, on justifie de faire des lois pour régler des cas comme ça. Alors qu'on ne fait pas des lois pour un cas. C'est encore de la généralisation. Et ce que M. Michaud nous expliquait tout à l'heure, c'est que justement, on fait des lois pour un cas et on enlève la possibilité aux juges, justement, de faire du cas par cas. C'est-à-dire, tout à fait. Voilà, c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'on se fie uniquement sur le pire des scénarios et on attribue la même médecine à tous les degrés de scénario. En enlevant aussi la possibilité aux juges de modérer tout ça, d'arrondir les coins et d'adapter la sentence au cas en particulier. Tout à fait. Et en plus, systématiquement, ce que ce gouvernement a fait depuis 2006, c'est de dire, entre les lignes, bien sûr, parce qu'ils ne le disent pas directement, parfois directement, mais parfois indirectement, c'est de dire, on n'a pas confiance aux experts, on n'a pas confiance aux criminologues, on n'a même pas confiance à Statistique Canada, parce qu'ils remettent même en doute les chiffres de Statistique Canada, on n'a pas confiance aux juges, on n'a pas confiance... Écoutez, c'est vraiment... une façon, si vous voulez, de voir la sécurité publique et la gestion de la criminalité de manière tellement idéologique que il n'y a pas de rationalité là-dedans. Puis je vais vous montrer un autre exemple qui est quand même assez aberrant. c'est que d'une part, ils disent qu'ils veulent lutter contre les crimes violents, qu'ils veulent mettre sur pied des soi-disant des programmes pour aider les victimes. Et de l'autre bord, lorsqu'on questionne l'ombudsman des victimes sur l'état de la situation, par exemple, ben il nous dit on aimerait ça que le gouvernement puisse investir auprès des victimes. Et le plus bel exemple, c'est le projet de loi sur les familles ayant eu des victimes dans, par exemple, je vous donne un exemple, une famille qui a perdu un enfant et que cet enfant-là est mort à cause d'un acte criminel, donc les familles dont les proches ont été victimes d'actes criminels, ben ce gouvernement, depuis qu'on a déposé ce projet de loi-là, a toujours voté contre. Et qu'est-ce que ce projet de loi fait? C'est qu'il permet à une famille, pendant un an, de garder, pendant de un à deux ans, qui travaillent, donc des personnes qui travaillent, de garder un lien d'emploi et de pouvoir avoir droit à l'assurance emploi. Voyez, mais ça, le gouvernement vote contre ça, une mesure directe pour les victimes, pour les familles des victimes, mais en même temps, ils disent qu'ils veulent défendre les victimes puis aider les victimes. OK, Madame Mourani, le temps presse malheureusement. Donc, mais ce qui est particulier, ce qu'on a parlé avec M. Michaud encore une fois, c'est que le conservateur québécois, M. Boisvenu, lui, qui est lui-même un parent de victime, marche dans ces zones-là. C'est un peu particulier. Écoutez, si on résume bien, on veut pas questionner non plus ce qui se passe dans la tête de M. Boisvenu, mais juste pour résumer, le nœud de notre affaire, en fait, là, c'est que pourquoi ça crée un tollé, c'est qu'on vote quelque chose de façon unilatérale à Ottawa sans écouter les provinces, mais la responsabilité de ces changements-là sont pelletées dans la cour des provinces. Donc, nous, au Québec, on va être obligés d'appliquer des règles contre les en face desquelles on est contre, en fait. Là. C'est que ces règles-là, nous, on veut rien savoir et on va être obligés de les appliquer parce qu'on se fait imposer ça par le gouvernement fédéral. C'est bien ça? Tout à fait. D'une part, on se fait imposer une loi que nous allons devoir payer et une loi auquel nous ne sommes pas d'accord de payer, d'une part. Mais en plus de ça, on nous impose des façons de faire et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Parce que les façons de faire au Québec sont à l'opposé, complètement à l'opposé, de ce que le projet de loi veut créer comme façon de faire dans tout le Canada. Alors, on se fait imposer des valeurs, d'une part, mais en plus de ça, on nous dit « vous allez payer pour ça ». Alors, moi, ce que je dis, la solution, et quant à moi, elle peut s'appliquer dans tous les dossiers, pour moi, la solution, c'est l'indépendance. en tant que bloquiste, on va vivre comme on veut, puis on se fera rien imposer par personne. Voilà, en tant que bloquiste, c'est clair, surprenant. Madame Mourani, écoutez, vous avez amené une solution aussi, c'était de rapatrier le code criminel tout canadien, mais au Québec, comme on en a jasé pour Kyoto avec M. Turp, entre autres, là, il y a deux semaines. Mm-hmm. Donc, tout ce genre de dossier-là, un peu chaud, de reprendre ces compétences-là et les ramener au Parlement de Québec. Dans le sens que si on n'attendons pas l'indépendance, parce que le scénario idéal, c'est l'indépendance, ça, moi je vous le dis, dans tous les domaines, mais que faisons-nous en attendant? Ben, on ne va pas rester les bras croisés pendant qu'Ottawa va nous imposer des choses. Québec, le gouvernement du Québec, peut très bien faire une demande de changement constitutionnel pour exiger que le code criminel, maintenant ce pouvoir-là, ben, soit dans les provinces, et donc ça soit carrément les provinces qui gèrent leur propre loi criminelle, puisque elles sont directement imputables, dans le sens que c'est elles qui ont à payer la facture de ces lois-là. Alors, on paye, mais c'est comme aux États-Unis, hein. Chaque État a son propre code criminel, hein. Ils payent, ils font leur loi, puis ils payent pour. Bien. Est-ce qu'il y a un parti politique à l'Assemblée nationale qui prône une démarche comme telle de rapatriement? Est-ce que c'est dans les projets d'un parti? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais écrit une lettre l'année dernière à tous les chefs de parti pour leur proposer cette solution-là. Et Québec solidaire, le Parti québécois, les députés indépendants, Option nationale, ont tous porté cette demande-là à l'Assemblée nationale. Les seuls qui s'opposent à cela, bien sûr, c'est M. Charest et la DQ. Mais là, bon, il y a comme un nouveau parti, là. C'est ces deux-là. La DQ et le Parti libéral du Québec, eux, sont contre ça. Mais d'ailleurs, il y a eu une motion hein, qui a été déposée par le Parti québécois à l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi une motion de Québec solidaire qui a été posée en ce sens-là. Les députés indépendants, indépendantistes ont aussi travaillé avec les deux partis, avec l'Option nationale, pour faire avancer cette cause-là. Et quant à moi, ce que je dis, c'est que maintenant, c'est à la population de se mobiliser pour faire comprendre à M. Charest et aussi à la DQ que c'est nous autres qui devons faire nos propres lois criminelles et donc tout simplement faire une demande de changement constitutionnel. N'oublions pas que ça nous a pris 2 ans en termes de mobilisation pour avoir une enquête sur la collusion et la corruption. Ben, quant à moi, ça prendra le temps que ça prend, mais il faut continuer à se battre pour avoir notre code criminel. Madame Mourani, un grand merci de votre ferveur et de votre travail. Merci beaucoup. Donc, de bonne chance pour la suite des choses, bon courage. Et qui sait, peut-être aurons-nous la chance de nous reparler là-dessus, en espérant que ça soit pour une victoire à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, une prochaine fois. Avec grand plaisir, au revoir. Au revoir. Donc, mesdames, messieurs, c'est ce qui clôt cette émission de La Fausse Patte du 25 janvier 2012. On parlait avec Madame Maria Mourani du Bloc québécois, députée d'UNCIC à la Chambre des communes à Ottawa, qui, elle, mène une croisade contre le projet de loi C10 et tout ce qui est les décisions aussi concernant le registre des armes d'épaule du gouvernement Harper. Donc voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Petit résumé, on a parlé aussi de cette polémique sur les radios poubelles de Québec qui ont été traitées de radio jambon par des chroniqueurs montréalais, entre autres par Le Voir Montréal, le Spornographe, et notre ami Julien D. De l'Axe du MAD. On a eu ces gens-là au micro, on s'est expliqué, on en a parlé, et puis on a fini ça avec Félix-Antoine Michaud, notre spécialiste spécialiste juriste et en droit constitutionnel, et puis Madame Mourani, sur ce fameux projet de loi C10. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne semaine. On se revoit mercredi prochain pour une autre émission de La Fausse Patte, et puis au retour, ça se passe en direct du Sacrilège. À la semaine prochaine. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur la Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 88 647 2972. Visitez notre page Facebook. Elle est là, elle est là, la poule aux œufs d'or. Oui, elle est là, la poule aux œufs d'or spéciale gala édition soleil. Vous pourriez gagner des autocaravanes, des voyages, des pavillons outdooring, des voitures sport et plusieurs autres lots. Vous pourriez aussi vous retrouver à la télé et courir la chance de gagner $500,000 lors du grand gala au réseau TVA le 26 février prochain. Elle a la poule aux œufs d'or. La poule spéciale gala.